toi tu t'y connais sur les fichiers, toi? Pas du tout. Eh ben alors qu'est-ce que tu me donnes comme leçon? Bon, alors, bon, t'es une mytho, Laura. Avoue que t'es une mytho et je te laisse expliquer ton histoire. Non, alors je te jure que je ne suis absolument pas une mytho. Alors, c'est qui qui animait, c'est qui animait les concerts? Je te dis, je m'en souviens plus. Ouais, ça va. Bah, c'est moi, donc tu vois, c'est. Non, mais la Tommy. Ah, on passe sur une base de. Non, mais alors là, pourquoi c'est les deux dernières minutes de la vingtaine de JM. Ah, je suis déçu, moi. Il a 30 ans à minuit. Je me souviens de toute ma vie. Assume que t'es une mytho et tu lui fêteras son bon anniversaire. Ouais, s'il te plaît. Ça fera un cadeau pour lui. Bon, j'assume. Tu n'étais pas là? En fait, j'ai une copine qui était et j'étais dégoûtée parce que je pouvais pas y aller. Là, ça va mieux, là. C'est une mytho, la la la, mytho, mytho, mytho, mytho, mytho, mytho, mytho, mytho, mytho, c'est une mytho, mytho, mytho, mytho, mytho, c'est une grosse mytho, Laura Dania. Allez, dans une minute, JM du Standard, t'as 30 ans. Ah, mais pas une minute. Dans moins d'une minute. Vous aussi, tous ceux qui êtes nés le 22 septembre, dans 10 secondes, dans 50 secondes, c'est votre anniversaire. Ah, voilà. On vous appelait pour les fichiers et bon, tout, ça. Vous êtes nombreux à nous écrire. Là. David qui a abandonné une meuf à cause d'un pet de fou. Tu vas nous raconter ça. Ah, merde. Ah, ouais. Pourquoi tu nous as menti sur le concert, Laura? Parce que j'osais pas vous dire que j'étais pas allée. Et voilà. Ah, c'est pas grave. J'avais vraiment envie d'y aller. J'étais dégoûtée de pas pouvoir y aller parce que ma chef a dit non. Et voilà. Ah, ta chef a dit non. T'as inventé, t'avais posé un jour et tout, quoi. Ah ouais. Attention, JM du Standard. Attention. Dans 10 secondes, tu as 30 ans, JM du Standard. Bon anniversaire à tous les concernés, d'ailleurs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon anniversaire, JM du Standard. Bon anniversaire, mec. Bon anniversaire. Ah, le bisou. Le bisou. Merci les copains. Merci, le même jour que JM du Standard. Merci, voilà. Il est le même jour que JM du Standard. Happy birthday, JM du Standard. Je suis de la classe à JM du Standard. Vive les 86. C'est l'automne comme les feuilles mortes. Les blagues de JM du Standard se ramassent à la pelle. Tous mes souhaits pour ces 30 ans et joyeux anniversaire, Didi de Paris. Merci, Didi. C'est super sympa. Bon, très bien. Merci, Didi. Et voilà, vous pouvez y aller, hein, du coup, bon anniv JM, voilà les SMS qui arrivent. Merci beaucoup, ouais. Guillaume, et vos textos au 612. Ça fait plaisir. Le terroriste de 15 ans qui va être relâché était dans mon lycée, c'est chaud, Théo du 75. Et on peut pas le relâcher quand même. Bah, je sais pas. Voilà, on est trop gentil. Hein. C'est l'automne, merci beaucoup. Alors, Guillaume, et votre petit message au 612, ça lui fera super plaisir parce qu'il y a, y a deux pauvres messages pour son anniversaire. Il est extrêmement déçu. Ouais, c'est pas grave. Bon, non, juste, Agnès, tu m'entends, Agnès? Oui, je vous entends. Bonsoir Agnès. Bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir toute seule. Ah putain, c'est la première fois qu'il y a. Quand vous mettez des smileys, ça marche maintenant dans les SMS. Ouais. Des smiley cœur, bon anniversaire JM et Baba Enzo du 6-4 avec un petit piqueur. Ça va Agnès, t'es flic? Non, je suis pas flic. Ah, c'est pas toi qui voulais parler des fichiers, toi tu voulais parler de cul, Agnès. Mais c'est pour mon plus grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a. Est-ce que tu fais quoi de la vie? Moi, je travaille en restauration. D'accord. Eh ben, sois la bienvenue, Agnès. Alors, représente le 6-8. Salut, Laurin. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, on parlait de cul, là. Bah, en fait, je réagissais au fait qu'on disait que quand on mord une lèvre, ça fait mal. Ouais, ah ouais, complètement. Alors que, moi, je pars du principe où tout dépend comment on mord, quoi, en fait. Ouais, alors on va parler de mordre, quoi. On va parler de mordre et morsure ce soir. Ouais. Et là, je pour spécial loup-garou avec point light en feu. Ouais. Non mais après, ouais, mais c'est, je trouve ça franchement, je comprends pas les mecs qui aiment bien se faire mordre. Ouais. Je trouve ça pas agréable. Oui, non mais ça je comprends pas non plus quand effectivement c'est mordre pour la douleur aussi après. Et puis pour la douleur, ça c'est sûr que je comprends pas, mais après il y a mordre sensuellement et mordre pour faire mal, c'est complètement, c'est deux choses différentes. Ouais. Flo Nicalo, qu'est-ce qu'il y a, tu n'étais pas d'accord là? Bah non, mais se faire mordiller, c'est agréable. Faire mordre jusqu'au sang, voilà, non, évidemment. Mais... J'ai un petit taf de moi sous la lèvre là, ça fait longtemps. Bah, fais mordre. Si elle te mord là, là, c'est mort, je vais prendre aucun plaisir. Ah, ouais. Là, c'est vrai, c'est quand même pas. C'est quand même pas dingue, quoi. Non. Bon, demain, on fêtera ça, l'anniversaire de Gilles. En plus, t'allais le voir son spectacle. Ouais, je vais le voir, j'adore. Ça, c'est rigolo. Il allait le voir. Jeff Panaclock et Jean-Marc seront avec nous demain. Ils vont co-animer l'émission avec moi. C'est hyper drôle, puisque voilà, c'est un peu ton cadeau, Gilles. Merci beaucoup. Tu t'en souviendras. Ah ben là, c'est ouf. Il pourra se foutre de ta gueule d'ailleurs dans un battle de l'humour. C'est le génial de mon bisou. Je fous pas, je fais mon bisou. Anniversaire, bientôt la retraite. Salut, je vous kiffe sur Total Gaz. Salut Maxime Charbon, bon anniversaire. Merci. JM Bon. Énorme, salut, bon anniversaire. JM du Standard, salut Vivi du 49. Salut Vivi. Bon anniversaire, JM du Standard, le meilleur Lucas de Lunel. Bon anniversaire à notre JM David Solenzara Corsica. Salut, salut les Corses, salut, joyeux anniversaire. JM Steph, tout le meilleur pour toi. Merci. Joyeux anniversaire, JM du Standard, je t'adore Thomas du 27. Merci, aussi. Merci Thomas. Y a mordre et mordillé, bon anniversaire, ma crevette, lol. Il pète sur. Surnom, papouille, salut à toi. Joyeux anniversaire, JM, plein de bonheur. Jonathan de Chalon-sur-Saône. Merci Joe, merci. Joyeux anniversaire, enculé de JM, Greg 13. Salut Greg, Bayer CR, voilà, Guillaume et votre petit mot aussi, sans 12, voilà, qui lui vont droit dans le, dans le fion. Là. Ouais, exactement. Il y a plein de dédicaces qui arrivent. Ouais. Et Guillaume a quand même une soirée paranormale. On va essayer de se refaire une. Ça, c'est vrai, ça, putain. Ouais. T'as raison. Il y a Halloween bientôt. Non, mais il y a bientôt Halloween. Y a Halloween. Comme dirais-je, il y a Halloween. Un mois. Mais grave, donc on va se la faire la semaine prochaine, du coup. Voilà, on s'en fera une la semaine prochaine. Okay. Une soirée paranormale avec plaisir. Ça fait longtemps que je voulais la faire, en plus, la soirée paranormale. Je suis en Belgique et mes SMS ne parle pas, c'est fake. Ah non, je l'ai ton message, mon con. 00 32 48 54 60 21. Non, j'aimerais parler d'une expérience sexuelle que j'ai eue avec une fille. Flo des cadeaux, faudrait que tu l'appelles en Belgique. Oui, je l'appelle. Oui, c'est pas pire. Comment ça se fait que t'as vieilli de la voix? Je sais pas. Non, mais pas comme ça. C'est Galabrut. Ah ouais, je t'ai dit quoi, c'est Galabrut, mec. Joyeux anniversaire à Babette et Bébé. Bon anniversaire à JM, plein de bisous. Véro du 82. Merci. Très bon anniversaire, JM. 30 ans, merci. Ça se fête. Gros bisous à Christelle. Ans, Christelle. Happy birthday JM en arménien, ça se dit Paris d'Artart. La Ligue de Paris. Salut, la Ligue. Paris d'Artart. Bon anniversaire JM. Ouais. Des gros bisous pour mon beau JM, Lisa de Lille. Merci Lisa. Bon anniversaire, salope. Plein de messages. C'est bon, ça, merci. Ma meuf m'a déjà mordu la table lors d'une sucette par mégarde. Rien de grâce, ça m'a fait immédiatement jouir. Joyeux anniversaire à JM la cagole. Merci beaucoup. On fera un petit hashtag demain. Il faut. Il y aura deux hashtags. Un pour Jeff Panaclock. Et un pour insulter JM. Non, pour insulter. Ça va être bon. Bon, écoutez, dormez bien. Bonne nuit, Agnès. Merci de ton coup de fil. En tout cas, tu veux faire une dédicace sur Speed? Non, pas spécialement. Ah, mais très merci bien. Merci à toute l'équipe, en tout merci cas, d'avoir appelé. Merci. Ouais, gros bisous. Merci, bisous. Hey, David de Houdan, t'as abandonné une fille à cause d'un pet de fouf, pour de vrai? Je viens de voir ton message. Pour de vrai. Pourquoi? Bah, j'étais jeune, j'avais 15 ans, et en fait, j'ai mon meilleur pote d'enfance qui avait serré sa meilleure copine. Donc du coup, elle avait déjà 22 ans et donc en fait, elle est venue nous rejoindre dans notre quartier où on habitait. Et en fait, il s'avère qu'on est parti un peu en live dans sa voiture et puis j'ai commencé à taper un peu fort. Et c'était la première fois de ma vie qu'il m'est arrivé un peu de fouf, quoi. Donc du coup, j'ai bloqué, je croyais qu'elle m'avait vraiment pété dessus. J'ai eu une panne, je me suis barré comme un voleur et je lui dis, elle va te faire enculer, me pète pas dessus. Et c'est mon pote qui est parti au lendemain qui m'a dit, putain, sa voiture elle est encore là, elle dort dedans. Et en fait, elle était bloquée dans le sol. Oh merde, non, c'est vrai. La pauvre. C'est pas bien. Bon, après, ça m'est réarrivé, mais quand j'ai raconté ça à mon pote, il me dit, mec, c'est rien, c'est un pète fouf. La pauvre. Il y a pire. Attends, il faut pas. Je croyais qu'elle m'avait pété dessus. Même après. Non, mais avec une fille. J'ai essayé, parfois il a des. Tu sais, on habite sœur, il lâche un prout. N'importe quoi. Non, mais ça peut arriver. Attends, juste Alexis. Alexis, on te prend demain, ça te dérange pas, mon pote? Non, y a pas de soucis. J'avais pas vu l'heure avec l'anniversaire de JM du Standard. Ouais. Y a Mickaël qui est là, on va lui laisser la place. Mais je te rappelle demain, tu nous parleras de cul, t'as eu avec ta meuf un truc à 16 boules. Là, tu nous raconteras demain, pote, d'accord? Ouais, y a pas de soucis. Allez, bonne nuit, frérot, à demain. Salut, mec. Ouais, bonne nuit, frérot, à demain. Ouais, à demain. Ciao. Bonne nuit, bon anniversaire, JM du Standard. Merci, Guillaume, merci. Ouais, bon anniversaire à JM. Merci, poto, c'est super. Bon anniversaire à lui. Bon anniversaire. À plus tard. Eh, à demain, les gars, à demain. 22h sur Énergie, on se retrouve demain, on fera la forecasting de télé-réalité. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, y aura Jeff Panaclock demain. Y aura Jeff Panaclock. Merci, Sadlac de Nerdy. picote. Hein. À demain soir. Gros bisous les potos. À demain Julia. À demain Guillaume. À demain pour les cadeaux. À demain Guillaume. À demain. Dormez bien Julien Stagiaire. À demain. À demain. Salut bonne nuit. À demain Guillaume du Standard. À demain Guillaume. Merci. Bon anniversaire. Merci. Ah, oui. Il a 30 ans. Ça y est. 30 ans. Salut Naomi de Chartres. Joyeux anniversaire les potos. À demain Enzo du 6-4. Bon anniversaire JM, défaite de l'OM pour tes 30 ans. C'est un beau cadeau. Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ah, salut à toi. Tu dis que ton émission est en direct. Ah, bah oui, c'est en direct. Alors là, oui. J'écoute ton émission, mais à coup, t'as jamais lu un message. C'est pas vrai, frérot. Ah, bah voilà. Il est minuit 07. Et JM du Standard, il lui manque un truc pour son anniversaire. Ah, oui. Vous avez envoyé beaucoup de messages sur Facebook, Twitter, Instagram, la Guillaume Play, PLY. Il manque un bon anniversaire de la part de Mickaël pour ses 30 ans. Exactement. Est-ce qu'il m'entend, Mickaël? Est-ce qu'il a envie de souhaiter un bon anniversaire à notre JM du Standard? Bah attends, je vais lui offrir 8 minutes là. C'est un putain de cadeau. Quand même, attends, vraiment en vrai là, non? Félicitations. On s'est imposé. Non, c'est cadeau. C'est offert. C'est gentil. Mickaël ne t'a pas dit bon anniversaire. Ouais, personne c'est vrai, pas encore. En même temps, j'ai encore 23h et 52 minutes. C'est vrai. Pour lui souhaiter bon anniversaire. T'es né à quelle heure, JM? Tu sais ou pas? 8h15. Du matin. D'accord. Tu engages à envoyer un message à 8h15 de matin. Il y en a un qui boit un coup en direct ou pas? C'est pour son anniversaire. On a fait péter la bouteille là. On a fait péter la bouteille. T'as raison. Bon allez, bon anniversaire au JM. Merci. C'était dur à sortir, mais il l'a dit. Mais pas du tout. Vous repartez sur de bonnes bases, ça me fait plaisir. Bah oui. Mais voilà, exactement. Avant la fin de l'année, je vais les marier, ces deux-là. Toff est très intéressé. Moi, moyennement. Mais... Ouais, moi, pas avec Toff. Seulement s'il remet son petit maillot de Borat. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on va y penser. Bon, bah dormez bien, les gars. Bon, ça roule. Salut. Ciao. Et on est en direct. Bienvenue, tout le monde. C'est parti jusqu'à 4h. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal. C'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps. C'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Ouais, enfin, minuit 9, hein, 10 même carrément hein, ce soir. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça y est, on est en direct maintenant, minuit. Ouais. Eh oui, 01 40 71 5000. Pardon. Le cri de cœur de merde. 01 40 71 5000. Si vous voulez passer en direct dans l'émission, vous appelez Seba qui est au standard. Vous pouvez également, si vous êtes en Belgique, faire le 02 703 007 1. Toff qui a passé une bonne journée. Magnifique. Bon, très bien. Amina aussi. Oui, également. Tout va bien. Tout. Alors, va bien. Amina qui. C'est plein avant-hier que son iPhone était en panne parce qu'il utilisait des câbles oui, de merde, des vrai. Câbles asiatiques. Et on la croise tout à l'heure, elle était en train de parler comme une gogole en fait. Hein. Elle était avec ses oreillettes parce qu'en fait elle a cassé les oreillettes Apple. Avec le micro intégré. Et donc elle a acheté une paire d'écouteurs ridicule à 30 centimes. Ouais, au tabac. Sauf qu'il n'y a pas de micro. Donc en fait, elle était là avec ses oreillettes. Il avait le téléphone devant sa bouche. On a envie de lui dire pourquoi tu ne prends pas le téléphone normalement, alors collé à l'oreille. C'est vrai. Parce que j'ai pas envie de me brûler l'oreille. Non. Si jamais ça pète, on sait jamais. Ouais, non, c'est vrai. Alors que c'est les Samsung, hein. Alors que en le mettant comme ça, tu risques pas de te le mettre dans l'œil. Voilà, c'est ça. Mais pas du tout. Oh là là. Polo va bien. Il va bien, il hallucine. C'est-à-dire parce que je vois des choses extraordinaires, voilà. Comme quoi Toff, Seba. Ah ouais, bah attends, mais Toff en même temps, si tu veux, ça fait longtemps qu'on traîne celui-là. Donc voilà, et puis voilà. Non, mais ça va très bien, je bois un coup, pardon. Et ben voilà, bois un coup, une petite bouteille de champagne, tranquille, à la cool. Au KLM, j'ai envie de dire. On écoutera du son ce soir avec Nicky Jam qui va arriver. Ce sera mon cadeau pour JM du Standard. C'est un beau cadeau, il aura de la chance. Voilà. Et au deuxième cadeau, je lui mettrai WNW. Alors, JM me remercie pas, c'est vraiment, c'est avec plaisir. Allez, troisième cadeau, Charlie Pouce et Selena Gomez. Quelle générosité. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Franchement, il a un putain d'anniversaire. Ah ouais, j'ai pas de limite dans les cadeaux. C'est quoi? Dis-moi. Eh ben, je vais mettre le quatrième cadeau pour Jim du standard Chainsmokers. Oh putain. Ta bonté te perdra. Ouais, je sais. Il a trop de chance. Ah ouais, ouais, ouais. Et il y a Thomas qui dit allez, c'est parti pour écouter Mickaël. Salut à toi, Thomas. C'est quoi ? Faut pas trop rêver sur le Twitter. Il dit coucou l'équipe, avec vous jusqu'à 4h. Bah, bienvenue à toi. Et puis merci d'être là. Vous pouvez envoyer vos messages par SMS. Mickaël et votre message au 612. Laissez bien votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle, puisqu'on ne voit pas vos numéros de téléphone. Donc, bah, si vous voulez qu'on vous rappelle, mettez-le dans le message. Hein. C'est le même numéro pour la Belgique également. Et puis venez nous rejoindre aussi sur Facebook notamment. On a mis la vidéo du générique, générique de Toff qu'on avait vous avez fait découvrir hier. Nique ta mère, fils de pute. Classe, hein. De la compte de ta mère, la pute. C'est le générique des appels mal intentionnés, le nouveau. C'est magnifique, c'est beau. Voilà. Ce bâtard, je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Voilà, donc c'est quand même un beau générique qu'on met de maintenant hein, avec tous les appels mal intentionnés. Et qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus alors. Oui, donc c'est un certain Maxence qui est un ancien auditeur de l'émission Sans Interdit qu'on faisait avant sur Énergie, qui a fait cette chanson-là et du coup, bah voilà, on vient un petit bout. Il a dit qu'il passerait nous voir et il nous ferait une version spécialisée spéciale pour Toff. Oh, c'est trop gentil. Avec les mêmes paroles, mais avec quelques trucs en plus, voilà, etc. Donc on va se mettre bien, on va se mettre plutôt bien. Donc il y a un message aussi, coup de pelle dans la gueule de ce chien de la casse d'enculé de Toff, c'est Greg du 13. Ben voilà, c'est fait, message passé. Let's be freaks, il nous salue, salut Let's be freaks. Salut. Le tilteur aussi, salut l'équipe, Toff, je te souille de mon jus d'amour bien profond. Oh, merci. Dans ta gorge, espèce de vieille raclure de bidet à deux balles. Tout cet amour me va voilà. Dans ton cœur. Et enfin Estelle qui dit oui, super contente de vous retrouver. Bah salut à toi, bonsoir la famille, coup de pelle dans la tronche de l'autre coincé de Amina, merci. Oh, c'est une blague. Voilà. Avec plaisir, le message est passé. Évidemment. Te laisse pas faire, te laisse pas dire. Ben si, attends, c'est important. Ce soir, attention, les nouvelles photos de la honte. On a eu Amina dimanche, ouais. On a eu Seba du standard hier, avant-hier, on a eu Polo ouais. Hier. Magnifique. Et ce soir, je sais pas encore si je mets les miennes ou si je mets celles de Toff. Non, faut garder le meilleur pour la fin. Ouais, donc c'est pas qui toi. Le meilleur. Je sais pas, j'hésite. On verra d'ici un petit quart d'heure. Nouvelle photo de la honte. C'est les photos qu'on met depuis dimanche de chaque membre de l'équipe. Les photos les plus honteuses. Bon, le problème de Toff, c'est que j'ai 150 dossiers avec à peu près 1000 photos par dossier des photos de la honte. Donc j'ai un peu de mal à faire le tri. Mais ouais. Il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Et encore, il y en a plein que j'ai pas d'ailleurs. Hein, mais bon. Donc voilà, photo de la honte. Vous pouvez aller voir les anciennes sur Mickaël officiel sur Facebook. Vous venez aussi. Il y a un iPhone à gagner aussi sur le Facebook de l'émission. On tirera au sort dimanche soir vers 22h. Donc entre 20h et minuit, si vous voulez tenter votre chance. Venez faire un like sur la page Facebook de l'émission, c'est M-I-K-L officiel. Et on a Arnaud qui est avec nous à Chaumont. Salut Arnaud. Arnaud. Hey, salut Toff. Ah. Ouais, salut. Mickaël, salut Toff, salut Amina, salut Polo. Eh ben, salut. Tout le monde te salue. Bienvenue à toi Arnaud. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Ouais, d'accord. On va parler de quoi avec toi dans voilà. Quelques instants, dis-moi. On va parler un sujet assez sensible, le sida. On va parler de ça. D'accord, ok, mais genre à quel niveau? Bah en fait, on va parler plutôt de mon histoire qui m'est arrivée, une histoire un peu que je regrette au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et après je vous en dirai plus tout à l'heure. Bon d'accord, ok, alors bouge pas. On va en parler, t'inquiète Arnaud. On va en parler de ça dans un petit instant. Si d'ailleurs vous aussi vous avez envie de nous appeler pour parler de tout ce que vous voulez, hein, sujet drôle ou moins, après je sais pas ce qu'il va raconter Arnaud, on verra bien. Mais 01 40 71 5000, numéro du standard de la Belgique, c'est le 02 703 0071. Et puis la podcast officielle qui dit salut la team, encore 4 heures en votre compagnie, salut à toi. Toff, sale putain, va te faire gangbanger, sale raclure. Vous allez être parti dans un délire de l'insulte la plus violente envers ce pauvre Toff. Oui, hein, le pauvre. Oh, oui. Essayez de chercher un café, tête de con. Hein. Bah, il y a Seba pour ça. Ah, j'ai pas le temps, j'en ai rien à foutre. Attends, je suis imposé là. Ouais, c'est Seba du standard alias l'espagnol, alias à l'aise. Ça fait longtemps qu'il a plus dit à l'aise. Hein. Ouais, c'est vrai. Et alias également. Mais c'est parce qu'il est plus trop. Putain, mais qu'est-ce qu'on avait trouvé en Espagne? Lara plus Tartuffe, exactement, ouais, c'est vrai. Et Johan aussi sur le Twitter. Alors, salut à tous, c'est parti pour une bonne soirée avec vous. Bah, salut à toi, Johan. Hashtag Mickaël pour nous rejoindre sur le Twitter de l'émission. Et puis, on va s'écouter un des sons que j'aime beaucoup pour l'instant, c'est le nouveau Lady Gaga. Attends, je suis pas spécialement fan d'habitude. C'est pas mal. Mais ce morceau-là, il est quand même vachement bien foutu. Il passe crème. Ah ouais, franchement, j'adore. Eh bah, ben, Lady Gaga, on s'écoute maintenant. Il est minuit 16. C'est Mickaël sur NRJ. Puis, on est là chez 4h avec toute la team. Et on vous attend. Allez, venez délire avec nous. Keep control, pressure's taking its toll, stuck in the middle zone, I just want you alone, like a sin game is strong, way too real to be wrong. It wasn't perfect. Instant minuit 19, allez, vous bougez pas de là, on est sur Énergie, c'est Mickaël. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Allez, venez encore nous rejoindre avec le son de Nicky Jam qui va arriver. Et bravo à Nice également, hein, qui a mis une belle raclée à Monaco, là, 4-0. C'est violent quand même. Let's be Freaks qui dit moi je t'aime, mon Tofinou. Oh ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Part chercher un café, c'est bien. Ce chien de la classe. Il y a Rodolphe aussi sur le Twitter. Salut équipe. Enfin, on vous retrouve pour 4 heures de bonheur et gros poutou à Amina, dédicace à tous les routiers de la nuit. Et ben, on embrasse tout le monde et tous ceux qui globalement sont en train de bosser, hein, les routiers ou les autres. Vous pouvez évidemment venir nous rejoindre toutes les nuits. On est là à partir de minuit, minuit 4h et le dimanche également de 20h à minuit. Et en parlant de dimanche, je rappelle qu'il y a l'iPhone qu'on vous offrira dimanche soir. Si vous voulez participer, on a fait un jeu. Il suffit simplement de venir me dire en commentaire sur la photo où il y a l'iPhone qu'on offre, dites-moi quel est votre téléphone actuel, voilà, et si vous voulez en changer, hein. Peu importe, même si vous, ça reste un tirage au sort, donc même si vous dites ah ben je me suis offert l'iPhone 7, ça n'empêche pas que vous puissiez le gagner. Bon, les autres vont gueuler parce que voilà, mais c'est bien ça. Mais je veux dire, ça reste c'est un tirage au sort, donc c'est pas la peine de venir me dire j'ai encore un vieux Nokia 3310. On s'en fout, globalement, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, vous venez me rejoindre, vous tapez M-I-K-L officiel sur Twitter, sur Facebook, pardon. Et puis on se met la pub en speed, on revient juste après en direct avec tous vos messages. 6, 11, 12. Débutez le message par Mickaël. Et puis on revient, bougez pas de là, c'est Mickaël sur Énergie, minuit 20. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Vous avez déjà assisté à un concert sur Snapchat? Ce sera une première et Énergie vous y invite. Le premier concert sur Snapchat accueille Black M. C'est Black M, rendez-vous ici pour le premier concert Snapchat Énergie. Pour y assister, abonnez-vous au compte Snapchat Énergie Radio. Et soyez là ce soir à 18h30. Le premier concert Snapchat Énergie avec Black M, c'est ce soir. Énergie Hit Music Only. Énergie Hit Music Only avec Shawn Mendes en concert. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 24 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris. Prévente exclusive mercredi 14 septembre sur gdp.fr. Infos et réservations énergie.fr, gdp.fr et point de vente habituel. Shawn Mendes en concert. Un événement Énergie. I'm on my ride. music only. On est sur Énergie, il est minuit 25. Charlie Puth dans quelques minutes sur Énergie, c'est ça. Et James Smokers. Bon, j'en avais parlé, hein, donc c'est pas une surprise, ça va arriver. Vas-y, ta boussole aussi qui dit salut la team, dites à l'enfant de la cave que je l'encule, grosse putain. Merci Aziz La Boussole, le grand retour, ça fait bien plaisir. David oui. aussi, salut équipe, gros de Kissa, Mina la princesse et coup de pelle à Polo Poutou. La réclure. C'est vrai. Message passé, voilà, ça y est, c'est fait. On va se faire les appels mal intentionnés avec Tov dans quelques minutes. On doit rappeler notre ami suisse d'hier, hein. Ah enfin, oui. Qu'on avait eu l'année dernière, mais qu'on a retrouvé hier par hasard. Bien on aimable. Le rappellera, mais évidemment, ouais. On le rappellera d'ici quelques minutes. Je vous aurais bien mis quelques petites insultes d'hier, mais malheureusement, l'espagnol ne me les a pas mises à dispo. C'est bien dommage. C'est bizarre. Ah ouais, pourtant il y avait. Je regardais le match, c'est pour pourtant, ça. Il y avait de quoi faire. Oh là là, je regardais le match. Il y avait de quoi faire. Mais ils sont prêtes en plus, c'est ça. Ah oui, ah bah c'est bien. Ouais. J'aurais préféré que tu me dises non, j'ai regardé le match du Real plutôt que de me dire elles sont prêtes, mais je les ai pas mises. Je l'ai oublié de les uploader. Ah, c'est ça. C'est pas grave. C'est comme c'est comme un mec qui fait un gâteau. Ouais, j'ai oublié de mettre dans le four. Ouais. Ouais, mais c'est pas un gâteau, ça. Mec. C'est ça. Bon, alors Arnaud est avec nous. Bon, on rigole parce que il y a les. On est en train de faire le tri dans les photos. Des photos de la honte. Alors, j'avais trouvé une belle. Non, mais attends, c'est pas possible, t'as une maladie, quoi. Mec, non, mais... c'était en 2001. Mais oui, je devais que avoir un... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je devais avoir un peu trop de poids. Un tout petit mais peu. Non, mais c'est pas possible. Très light. Très light. C'est non, pas le mot, franchement. Mais c'est pas light. Non, light, light, mec, vraiment tu sais, light. Ce qu'on dirait, on dirait qu'il y a un moustique qui t'a piqué, t'as fait une allergie ou une ouais. guêpe. C'est vrai. On dirait un sage, c'est top. Je trouvais une photo de Top aussi. Bon, les photos de la honte. Ça, c'est au Mexique, ça, je me rappelle, parce qu'en fait, Top, il passait son temps ouais, sur la piscine. Je vais pas la mettre celle-là parce que, bon, c'est forcément les photos de la honte. Oh, la honte. Et là, il a une dégaine, avec les cheveux longs, la barbe, et tu vois les yeux bleus qui ressortent fort. Il est presque beau gosse, tu vois pas les bourrelets, quoi. Ouais, les meufs, non, si tu fais abstraction des bourrelets, on pourrait presque croire qu'il est beau gosse et un brun aux yeux bleus. Parce qu'à l'époque, il avait pas les cheveux blancs. Mais non, les cheveux blancs, évidemment, c'est pas la même. On dirait un mec qui a fait un braquage, il vient de se faire arrêter il y a 2 minutes. C'est vrai. Bon, donc voilà, photos de la honte qui vont arriver sur le Facebook de l'émission, M-I-K-L officiel. D'ici peu, je vous tiens au jus, bien sûr. Bon, chose sérieuse, on va en parler maintenant avec Arnaud. Tu nous disais justement, toi, que tu voulais nous parler de quoi ? Raconte-nous. Ouais. Bah voilà, en fait, donc ça aurait fait 7 mois, là, au jour d'aujourd'hui, que je serai avec ma copine actuelle. Ouais. Mais si tu veux, on s'est séparés le mois dernier, donc c'était vers le 25 août, à peu près, dans ces coins-là. Ouais. Et moi, j'ai fait la connerie, voilà, de coucher avec une autre fille. Jusque là, ça va, rien d'exceptionnel. Et je me suis remis avec ma copine à peu près vers le 8 septembre exactement. Ouais. Jusque là, rien d'exceptionnel. Bon, j'ai recouché avec ma copine actuelle et tout se passe jusque là parfaitement. D'accord. Et j'ai fêté mon anniversaire là ce week-end, du coup, samedi soir, là le 17. Mm-hmm. Et il y avait un pote à moi, du coup, qui était là à mon anniversaire, et il connaissait la fille avec qui j'avais couché pendant que je m'étais séparé de ma copine. Ouais. Et puis on a commencé à parler tout ça de cette nana là, et puis lui il m'a avoué que cette fille là serait porteuse du virus du sida en fait. D'accord. Et tu t'es pas dit à un moment qu'il fallait mettre une capote avec une meuf que tu connaissais pas? Non, je sais que j'ai fait des conneries. Ah ouais, t'as fait une connerie, je le regrette toujours. Oui, je sais bien. Mais le pire, bon après j'ai remis le couteau dans la plaie, hein. Mais le pire c'est que bon, t'es pas mis une capote, ça te regarde globalement. Mais recoucher avec une autre meuf derrière sans mettre de capote, ça c'est quand même criminel quand même. J'ai fait n'importe quoi, je sais bien. Et puis au jour d'aujourd'hui, je regrette à 400%, ma copine elle le sait. Ah, tu lui as dit? Je m'en suis excusé. De toute façon, il n'y a pas eu le choix. Enfin, je vous explique, c'est parce que. Donc samedi soir, ça a gâché mon anniversaire complet. J'ai pleuré. Oui. Il a fallu que j'appelle ma soeur, parce que ma soeur était à mon anniversaire, j'ai appelé ma soeur pour l'expliquer, et ma soeur a appelé ma copine, du coup on est descendus tous les trois, on en a parlé. Ouais. Et ma copine a été super, cool. Compréhensive. Ouais. Ouais, super cool, elle m'a pas quitté, elle m'a soutenu à 400%. Là-dessus, je lui dois une sacrée chandelle, parce que c'est vrai que c'était une sacrée étape, parce que même elle était, on va dire, dans la possibilité d'avoir cette saloperie là quoi, vu que j'ai recouché avec elle après. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais attends, on voit bien, mais t'as pas fait de test? Si, justement, si, voilà, j'en viens. Donc du coup, vu que c'était samedi soir, on n'a pas fait de test, mais le lendemain matin, le dimanche, on a couru à l'hôpital en urgence faire un test de VIH. On a eu les résultats aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a une chose à savoir, c'est qu'en fait, Le test, il peut être, on va dire, officiel et fiable qu'au bout de 6 semaines après le rapport dangereux. Je sais pas comment je vais expliquer ça. À risque, rapport à risque. Voilà, à risque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on aura vraiment le résultat officiel vers le 16 octobre. Voilà. Et donc on a eu le résultat aujourd'hui, donc c'est négatif pour tous les deux. Bon, tant mieux. Et voilà, on était super contents, donc ça c'est super. Mais il nous a encore arrivé une couille, c'est qu'on a recouché ensemble aujourd'hui, et puis la putain de capote, elle a pété, quoi. Mais attends, donc, t'as recouché avec qui? Avec ta meuf? Oui, avec ma meuf. Avec ma meuf, je veux plus de compte. Je savais pas si c'était risqué, vu que. Si vous êtes tous les deux négatifs, y a pas de problème. D'accord, mais vu que tu sais que. Ils n'ont pas attendu 6 semaines avant c'est de ça, se dépister. C'est ça, Mina. Ah, voilà. D'accord, ok. En fait, donc à mon avis, il va sûrement falloir qu'on refasse un test entre aujourd'hui et puis le 16. Bon, après, je pense, j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, hein, mais si t'as couché avec la meuf à risque, c'était il y a combien de temps ça? C'était le 4 septembre exactement. Ah oui, il y a 15 jours. Ah oui, d'accord, ok. Il y a 15 jours. Oui, alors là, évidemment. Je pensais que c'était il y a plus longtemps, je sais pas pourquoi je pense ça. Oui, alors évidemment, il y a un risque, oui. Oui, donc il y a toujours un risque, donc je pense qu'il va falloir qu'on refasse un test. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller, je sais pas, voir le médecin, parce que tu vois, il existe des. C'est arrivé quand? Vous avez couché quand ensemble cet après-midi? Avec ma copine, oui, cet après-midi. D'accord. C'est arrivé cet après-midi. Enfin, cela dit, attends. Après, je suis pas médecin, je pense que c'est comme ça que ça marche, mais en imaginant, dans le pire des cas, ce que je te souhaite pas, évidemment, c'est que t'es chopé la saloperie il y a 15 jours. Ouais. Que t'es recouché avec ta meuf, normalement tu l'auras déjà refilé. Donc le fait de. Parce que j'avais pensé à. C'est pas sûr, mais j'avais pensé à. Tu sais, au traitement préventif. Tu sais, parce que parfois tu peux prendre des cachetons. Alors t'en as 150 à prendre. D'urgence, quand t'as effectivement une capote qui a craqué ou un problème dans ce genre-là. Je sais que tu peux aller effectivement voir le médecin et le médecin va te prescrire une sorte de trithérapie, mais version rapide. Alors excusez-moi pour les termes, c'est certainement pas comme ça que ça s'appelle, hein, évidemment. Mais voilà, c'est une sorte de pilule du lendemain, entre guillemets, mais pour ça. Alors attention, vous dites pas, oh c'est cool, c'est bon, il y a un traitement pépère, je peux y aller sans capote à la cool. Donc voilà, non, c'est pas ça, je veux dire, dans le sens où il y a des gens qui vont peut-être se dire ouais, bon, je peux coucher sans capote, à chaque fois que je couche sans capote, j'irai chercher les cachetons au cas où. Non, parce que vous allez voir qu'en les prenant, ces cachetons, je l'ai jamais fait, mais pour le coup, je connais quelqu'un qui l'a fait. C'est aussi violent qu'une trithérapie, c'est-à-dire que vous êtes sur le cul au tout début où vous le prenez, parce que c'est quand même assez violent comme médoc, tu vois, c'est pas une aspirine, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment en cas de vraiment de nécessité. Donc faut pas faire le con avec ça. Maintenant, ce que je t'invite à faire, déjà, c'est d'appeler ton médecin, Arnaud. Oui, de toute façon, on va y retourner. De toute façon, on va y... Voilà. Non, mais y retourner et l'appeler, lui expliquer. Au moins, si lui trouve judicieux de te faire prendre ce traitement préventif, enfin, entre guillemets, préventif. T'es où là, Arnaud? Parce qu'il y a un vacarme là autour. Je suis dans le camion là. Ah oui, alors forcément. Ouais. Donc du coup, si le médecin estime que il y a une raison à te donner ce traitement, et ben écoute, tant mieux. Suis-le forcément. Explique-lui la situation. Et puis après, refais un test évidemment au plus vite. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Donc parce que c'est vrai que parce que je voulais appeler dimanche soir, mais c'était trop frais. J'ai pas pu passer en fait. Ouais, j'ai pas pu. Et bon, je crois qu'il y a des autotests maintenant que tu peux acheter en pharmacie. Ah ouais. Ouais, ah, ça se sortit il y a un an. Ah bah ce serait cool. C'est déjà pas mal, mais après. Est-ce que c'est fiable? Je sais pas. Je pense que ça l'est, mais après il faut. Non mais attends, c'est bien les autotests, mais il faut prendre sur la gueule, hein, parce que si jamais c'est positif. Ah, c'est la catastrophe. Hein. C'est quand même mieux d'être accompagné par quelqu'un qui va te l'annoncer et qui va. Parce que si c'est négatif, tu sautes au plafond, c'est génial, c'est la fête. Mais si c'est positif, c'est violent, je pense. Hein. Et je pense que tout le monde peut pas réussir à se prendre cette info dans la gueule sans avoir des explications et quelqu'un, enfin, tu vois, et un soutien. Donc l'autotest c'est bien, mais que si c'est négatif. Et ça, tu peux le savoir qu'après, forcément. Et bah oui. Donc bon, tu nous tiens au courant, Arnaud. Tu vas l'appeler demain, le médecin. Bah du coup, ouais, on va reprendre rendez-vous, tout ça, on va l'appeler. Et puis de toute façon, on aura vraiment, comme je t'ai dit, le test officiel le 16 octobre de toute façon. Ouais. Bon, écoute, on va te rappeler demain déjà pour avoir un petit peu, pour voir ce que le médecin dit. Et puis, sinon, on attendra le 16 octobre et puis on te rappellera ou tu nous rappelles pour voir où c'en est, quoi. Bon, allez, bonne chance, Arnaud. Allez, salut, bonne soirée, les gars. Salut à toi, Arnaud. Il y a quand même un truc que je m'explique pas. Comment est-ce possible que vous ayez des capotes qui craquent? Je n'ai jamais pété une capote de ma vie. Parce qu'elles sont mal mises. C'est parce qu'elles sont mal mises. Si. Attends, tu peux mettre du liquide, tu peux mettre combien de litres d'eau dans une capote. Non mais c'est vrai. Avant qu'elle craque. Ouais. Comment est-ce possible qu'elle craque quand tu la mets sur ta bite et que tu fais du va-et-vient? Il y a un moment. Parce que la plupart des gens ne mettent pas. Quand la meuf est sèche ou ils y vont un peu, il faut mettre du gel. Ouais. Des gels à lubrifiant. Base d'eau. Voilà, un gel. Un lubrifiant. Ouais. Voilà, que tu mets. Pour justement pour ça, ou alors il y a le problème aussi que les gens ne font jamais ne serrent pas le réservoir. Oui, il y a tout coup, ça à voir. Comme il ça faut et bien ça la mettre et il faut mettre des trucs à sa taille et ouais, pas oui, dire ouais, je vais prendre des king size, mais t'as une petite bite. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis il faut la changer en plus parce que pendant deux heures, forcément, oui, ça voilà, pèse. Mais il faut, c'est ce qu'il faut faire. Qui fait ça pendant deux heures. Voilà, c'est ça peut arriver. Oui, deux heures. Ça peut arriver. Cinq minutes, déjà deux secondes, c'est pas bien. L'espagnol, il est précoce. Il se la ramène pendant deux heures. Ouais, non, lui, c'est plusieurs essais pendant deux heures. Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'il y a un moment, c'est pas bon non plus. Et puis, je crois qu'en plus, quand tu te suces, le mieux, c'est quand tu te fais sucer, il faut la changer. Faut en mettre une quand tu te fais sucer. Quand tu utilises une pénétration vaginale, faut en mettre une. Et quand c'est de l'anal aussi, parce que surtout, tu peux envoyer. Ouais. Non, mais il y a des mecs, ils en ont rien à foutre. Il y en a qui font un coup à haut, un coup en bas, un coup en bas. C'est le pire. Ouais, je sais bien, mais c'est le pire. Donc voilà, bon, écoutez, si vous avez des conseils d'ailleurs au passage à donner, si vous êtes arrivé aussi des trucs, des rapports à risque, tout ça, on peut en parler. Si c'est pareil avec les appels de Tof, et puis on peut aussi parler de ça. Donc 01 40 71 5000. En parlant d'appels de Tof, on va les faire dans quelques minutes. Il y a Anto Lastico qui dit salut les amis, bonne émission à tous, sauf Tof évidemment. content de vous retrouver, la route passe plus vite. C'est Samuel qui avait envoyé le message. Merci pour vos messages. Et puis on va s'écouter le son de Nicky Jam maintenant. On va revenir juste après en direct, minuit 36. Et puis ce soir aussi, c'est le grand jeu du. Merci pour ton ex. Ah quand même, putain, Amina, c'est ton jeu quand même. Oui, je sais, mais j'ai eu un doute. Ouais. Bon, le merci pour ton ex. Regard menaçant a aidé. On va y jouer dans moins de 30 minutes si vous avez envie de jouer. Piégez votre ex au passage pour repartir avec soit une tablette Samsung Galaxy Tab je sais plus. Soit avec une Xbox One. Voilà, si vous voulez jouer, vous appelez maintenant 01 40 71 5000. Nicky Jam, c'est maintenant sur NRJ. Que sé es que quiero con usted que amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Tout le monde, désolé, on est un peu en retard avec les dossiers, les photos de la honte, parce que on a décidé, enfin j'ai décidé de mettre Tof ce soir, et que bon, j'ai beaucoup de photos, et que ben forcément faut faire un choix à un moment, hein. Donc voilà, je continue à chercher, mais rassurez-vous, les photos de la honte arrivent. Mickaël sur Énergie prend le contrôle de l'émission sur Twitter, Facebook et Instagram. Mickaël officiel. Voilà, venez nous rejoindre Facebook, Twitter, Instagram, Mickaël officiel. Et n'oubliez pas aussi, l'iPhone a gagné. Dimanche soir, on fait le tirage au sort parmi ceux qui se seront inscrits sur le Facebook de l'émission. L'iPhone a gagné dimanche entre 20h et minuit. Vous tapez Mickaël officiel si vous voulez tout simplement tenter de gagner. Voilà. Et je vais montrer une photo à Mina de Tof. Je vais pas la mettre parce qu'il est avec une meuf et que ça se fait pas, mais elle va être choquée, je pense. Mets tes lunettes là ou approche-toi déjà. Attends, j'arrive. Voilà. Bien. C'est quoi la photo? Ça va encore. Il y a eu pire. Ah oh, oui, il y a eu un pire. Oh, quand même. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il est en train de se faire sucer. Oui, non, mais je vois. Mais non, il s'est pas sucé, mon gueule. Mais si, arrête, ça se voit. Mais non, j'avais zoomé sur la photo pour qu'on voit pas le bas de la tête de la meuf. Mais pourquoi il lui fait ça? Mais rien, elle dormait. Elle faisait des poutous. Non, elle dormait. Il l'a assommé. Toi, était assis dans la voiture et il avait la tête comme s'il était en train de lui pomper le dard, quoi. Non, on dirait qu'il l'a assommé et qu'il l'a kidnappé. Oh là là, sans déconner, quoi. Bon, on va sur les appels mal intentionnés, Tof. Ben allons-y. Ah, générique. Ah. Pardon. Fils de pute. Le chat de la con de ta mère, la pute. Enculé. Sale bâtard. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chore qui fait du jet ski. Voilà, donc nous allons pouvoir faire les appels mal intentionnés maintenant, hein, vu que le générique est passé. Et selon un sondage de Top Santé, magazine sérieux quand même, hein, très sérieux, les trois quarts des femmes n'arrivent pas à jouir par la simple pénétration. Oh, c'est triste. Bah écoute, oui, on peut le dire. Bizarre, on peut dire clairement dire que c'est triste, effectivement. Mais bon, du coup, bah, comme les trois quarts des meufs ne peuvent pas jouir avec la pénétration. Ça t'est déjà arrivé de jouer avec la, grâce à la pénétration ou pas, du coup? Grâce au Disney et au dessin animé, principalement. Non, arrête, au cinéma. Oui. Oui. Oui. Bon. Mais pas, je mets pas tout le temps, hein, faut arrêter, il y a plein de meufs qui te font croire que ah, c'est dire bien. H24. Ah oui, H24, ouais. Bon, Toff, tu vas voir avec tes amis s'ils arrivent donc justement à jouir par la simple pénétration. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Ah oui, on appelle notre ami suisse. Ah bah oui, on lui a promis. Bah on l'avait eu souvent l'année dernière, puis il a échangé le numéro de téléphone, on l'a perdu et puis du coup on l'a retrouvé hier par hasard, donc c'est parti, on y va. Grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Toff, c'est toph@energie.com. Allô ? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On s'était appelé hier, vous m'aviez dit de vous rappeler aujourd'hui. Hier, comment ça, hier ? Ben oui, on s'était appelé hier, je vous avais posé une question et vous m'aviez dit que vous vouliez que je vous rappelle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais savoir si vous arrivez à faire jouer à votre femme uniquement par la pénétration. Putain, c'est encore vous ? Ben oui, on avait dit qu'on se rappelait aujourd'hui. Oh là là là là. Ben oui, monsieur. Oh là là là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne lâchez pas les baskets, hein? Bah, moi, je veux juste savoir si vous, votre femme, elle arrive à jouer uniquement par la pénétration, monsieur. Mais ça, c'est ma vie privée, mon pote. C'est ma vie privée. Bah, non, monsieur, c'est qu'une petite pénétration, c'est rien. Est-ce que vous êtes normal? Bah, oui, monsieur, je suis normal. J'ai deux bras, non, deux jambes. Je crois pas. Si, je vous assure. Vous passez votre temps à appeler les gens pour les emmerder pour des questions à la con? Mais pas du tout, monsieur. Hier, vous me posez une question stupide. Oh aujourd'hui, non. Une question à la con. Oh non, monsieur, non, on pouvait pas dire ça, c'est pas gentil. Vous non. M'énervez sérieusement. Non, monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin. Vous me tapez sur le système. Oh non, non, monsieur, vous non. Vous me tapez sur le système. Non, monsieur, non, je peux pas vous laisser dire ça. Ah. Attendez, moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une question. C'est pas la peine. Je n'ai jamais été autant emmerdé. Vous m'emmerdez. Non, monsieur, je peux pas. Je travaille le soir et chaque fois que vous me téléphonez, vous bloquez ma ligne. Et je peux pas avancer dans mon travail. Bah oui, mais si vous répondiez à la question, monsieur, on pourrait raccrocher, souhaiter une bonne soirée. Je peux pas répondre à une telle question. On pourrait se faire. Je peux pas. On se fera des poutous, on se souhaiterait une bonne nuit. Non, bah j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça de vous. Je suis pas un PD, moi. Mais ça se dit pas, monsieur, enfin c'est homophobe. Non, je suis pas un PD, je suis pas un enculé comme vous. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre moi, nous. Moi je travaille, vous voyez. Oui, je comprends. Moi je travaille. Et moi, je pose des questions, chacun son truc. Non, vous posez des questions qui n'ont pas besoin d'être posées. Bah si, puisque voilà. Je vous appelle, monsieur. Mais il y a plein de gens à Genève. Allez-y poser des questions à d'autres personnes. Mais comment vous avez eu mon numéro? Bah, sur l'annuaire, monsieur. Quel annuaire, ça? Bah, l'annuaire de Suisse. Non, je suis désolé. J'ai pas mon numéro dans l'annuaire. Ah bah si, parce que c'est comme ça que je l'ai trouvé, hein, monsieur. Non, mais arrêtez. Qui vous a donné mon numéro? Mais l'annuaire, monsieur, je viens de vous le dire. Il faut arrêter de m'emmerder, monsieur. Bah, oui, arrêtez mais de m'emmerder, s'il vous plaît. Répondez à ma question, alors. Laissez-moi respirer. Laissez-moi tranquille. Bah oui, mais répondez à ma question, monsieur. Je suis en plein boulot. Vous me dérangez à chaque fois. C'est quelle histoire, ça? Mais c'est pas mais une quelle histoire? C'est pas une histoire, monsieur, c'est une question. Mais allez-y poser la question à votre mère, à votre maman, de salaud de merde. Non, monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. À votre maman. Non. Quand vous aurez la réponse de votre maman, en ce moment, je vous répondrai. D'accord, ben, je vous rappelle alors. Mais vous me rappelez? Non, mais pourquoi vous me rappelez? Oui. Ne me rappelez plus, enfoiré. Ben, vous venez ne me rappelez plus, connard. Vous venez de me dire. Ne me rappelez plus, salopard de nature. Attendez. Géant. Mais vous venez. Votre cul de merde. Mais vous venez de me dire que si je demande à ma maman, vous allez me répondre. Ben allez-y, mais ne me rappelez plus. Si vous avez la réponse de votre maman, je pense qu'elle est satisfaisante. Ne me rappelez plus avec votre cul de merde. Votre oui. Cul de merde. Oui, mais. Gola. Non, monsieur, vous énervez pas. C'est pas bon pour votre cœur. Mais vous êtes talon, je travaille, je suis au volant. Vous me merdez. Hé, salaud. Vous êtes un salaud, connard. Non, dites pas des choses comme mais ça, monsieur. Ne me rappelez plus, d'accord. Les mots dépassent votre pensée, monsieur. Plus. Allez, répondez à la question et puis on n'en parle plus. Votre question, je vous la mets dans le cul. Oui, mais si votre vous... Votre question, je vous la mets dans le cul. Parce que regardez, si votre vous... Votre anus, je la mets dans votre anus, votre sale anus. Allez-y, posez la question française, ne merdez pas ici. Mais si vous répondez à la question, monsieur, on raccroche, on se fait des poutous et on souhaite une bonne nuit. Comment la question? Vous m'emmerdez. Mais est-ce que c'est pas plus intelligent de raccrocher? Bah non, répondez pas. Chaque fois, vous m'emmerdez. Bah, soyez intelligent. Répondez oui ou non, monsieur, et puis on n'en parle plus. Je réponds pas à votre question, d'accord? Bah, et oui. Arrêtez de m'appeler. Bah oui, mais alors je vais être obligé de vous rappeler, monsieur. Mais non, ne me rappelez pas. Bah si. Ne me rappelez pas pour des sottises pareilles. Je vais être obligé, monsieur. Moi, si vous répondez. Ah si. Vous êtes un homme, vous êtes un homme ou une femme? Bah, je suis un homme, monsieur. Vous faites l'amour aussi? Non, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah, votre maman n'aimerait pas que vous ameniez des filles à la maison? Non, elle aime pas. Mais c'est une connasse. Vous m'avez dit hier que vous avez 35 ans. Oui, c'est ça. Bientôt 36, monsieur. À 36 ans, votre maman ne veut pas que vous rameniez des femmes à la maison. Voilà, c'est ça. Vous êtes débile. Vous n'êtes pas normal. Vous n'avez pas de lumière à tous les étages. Il vous manque une page. Connard. Le français de merde. Non, dites pas ça, monsieur. Et on a l'électricité à Paris, monsieur, à tous les étages, là, maintenant. Ben non, je crois pas, non. Vous fonctionnez au charbon. Vous fonctionnez en Paris au charbon. Ici, on fonctionne à l'électricité. On a la lumière à tous les étages ici, d'accord? Ben oui, mais... Vous arrêtez de m'emmerder et allez lui poser la question à votre saloperie de maman. Non, dites pas ça. C'est pas gentil pour maman, monsieur. Tona! Salaud! Non, c'est très violent ce que vous dites, monsieur. Salaud! Si vous me posez encore cette question, vous me rappelez de me poser cette question, je vais vous découper en morceaux. Oh non, non, ça c'est très violent, monsieur. Ça se fait pas de couper les gens en morceaux. Je vais couper vos couilles, je vais les foutre dans votre sale gueule. Oh non. Saloperie de merde. Non, arrêtez, monsieur. Allez, répondez à la question et puis on n'en parle plus. Vous me lâchez les baskets ou bien? Déjà, vous m'avez trop énervé. Je suis trop énervé déjà. Alors lâchez-moi les baskets. D'accord, promis. Lâchez-moi les baskets. Vous répondez à la question et on raccroche, monsieur. J'ai la main dans votre cul, dans votre anus, la question. Ah oui, pardon, j'ai eu peur. J'ai cru que vous vouliez me mettre autre chose. Ben oui, je peux mettre autre chose. Hein. Ah non, je non. Je prends un morceau de bâton, je prends la com-com, je fous dans votre anus et vous allez comprendre. Hein. Non, monsieur, c'est pas bien de jouer avec la nourriture, monsieur. Il y a des gens qui meurent de faim. Hein. Ben oui, si vous mourrez. Je comprends pourquoi vous mourrez de faim, puisque vous êtes un fainéant. Vous ne voulez pas travailler, vous êtes là pour emmerder les gens à chaque fois. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites ça ? Restez tranquille, hein. Restez tranquille. Ah, mais moi, si vous jouez avec moi, je vais vous couper les couilles. Je vais vous créer tous les mille problèmes. Je vais vous enlever les couilles. Je vais les foutre dans votre gueule. Votre sale gueule. Oh non, monsieur, non. Connard. C'est un imbécile de français. Oh non, monsieur, non, ça se dit pas. Vous me lâchez, j'ai besoin de travailler, mon frère. Lâchez mon téléphone. Bah oui, mais moi j'ai besoin d'une réponse, monsieur. Je vous répondrai au lever du jour. D'accord? Ça va comme ça? D'accord, donc je vous rappelle. Attendez, vous allez me rappeler pourquoi encore? Oh! Bah, vous me rappelez pourquoi? Bah, pour avoir la réponse, monsieur. Mais ce gars, il me rend fou. Il me rend dingue au volant. C'est pas croyable. Oh là là là là là là là. Putain de merde. Salaud. Ah, il a raccroché Nilok, putain. Et on le fait chier, mais il veut pas raccrocher. Oh hein. Là là. On là le là rappelle du coup. Ah bah oui, mais bah oui. Bon, attends. On embrasse Maryse au passage. Hein, Maryse, la mère de teuf. Ma pauvre maman. Estelle qui dit putain de rire, je suis mort de rire. Écoute. Allô? Oui, vous avez dû passer dans une zone où ça captait pas bien parce que ça a coupé. C'est qui? Ben, c'est teuf, monsieur. Encore vous? Ben oui, ça a coupé, vous avez pas répondu à la question. Mais qu'est-ce que vous... Mais est-ce que vous êtes normal? Bah ben, oui, je crois. Et franchement, vous avez un gros problème. Hein. Mais quel genre, monsieur? Je comprends pas. Ben, vous avez besoin d'aide? Bah ben, non. Oui, je pense que vous avez besoin d'aide, franchement. Non, moi j'ai juste besoin d'une réponse. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal que vous insistez. Vous me dérangez. Non, mais c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal, monsieur? Je comprends pas. Vous avez besoin d'aide. Non. Je vous ai dit tout à l'heure, lâchez-moi les baskets. Je suis au boulot. Si vous êtes un chômeur, vous, moi, je travaille pour vivre, d'accord? Oui, bah, oui. Je travaille pour vivre. Bah, vous faites ce que vous voulez, monsieur, ça ne me regarde pas. Alors, arrêtez de m'appeler. Bah, arrêtez de m'appeler, d'accord? Pour la dernière fois, sinon je vais vous couper. Bah oui, mais répondez d'abord à la question et puis on n'en parle plus, monsieur. Merde, il a raccroché nous, donc. Bon, allez, encore une fois. Faut le rappeler. Encore une fois. Mais t'as des problèmes. Hein. Trop fort l'appel de Toff, le Suisse, il déchire, c'est Nicolas du 02. Ah oui, là, c'est vrai qu'on en a eu pour notre argent. Hein. Oh. Oui, c'est encore coupé, monsieur. Mais, monsieur, laissez-moi travailler. Mais je fais que ça, monsieur. Moi, mais je. Pourquoi vous me détestez autant? Mais je vous déteste pas, monsieur. J'essaie juste d'avoir une réponse. Franchement, je ne sais quoi faire avec vous. Ben, répondez juste à la question, monsieur. On souhaite une bonne soirée. C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? Je veux juste savoir si vous arrivez à faire jouer à votre femme juste par la pénétration. Ben, demandez à votre maman. Ben oui, mais elle vous connaît pas. Ben, bien sûr, on se connaît très bien, votre maman. Ah bon? Je vous l'ai déjà dit, on se connaît très très bien. Ah oui. Posez-lui la question, elle va vous répondre. Ah oui, vous êtes sûr? Posez-lui la question, elle va vous répondre. D'accord. Ça, j'en suis sûr. Je lui pose la question, si jamais elle ne se souvient pas, je vous rappelle. Ben, il n'y a pas de souci, mais vous ne me rappelez plus. D'accord. Vous ne me rappelez plus. Eh ben, on fait comme vous ça, monsieur. Vous ne me rappelez plus. D'accord, promis. À demain, monsieur. Vous ne me rappelez plus, d'accord? Oui, à demain. Bon, là, de français, vous ne me rappelez plus. Bien sûr. Oh, ne me rappelez plus. Ne me rappelez plus. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer si tu me rappelles. À demain, monsieur. Au revoir. Ah, il a raccroché nous, donc c'est bizarre. Il va te tuer là. Oh mon dieu. Il y a Punk Rider qui dit salopard de nature, le gars il va faire une dépression en direct. Oh putain. Ouf. Eh bah, on va le rappeler demain alors. Ah bah évidemment. J'ai peur d'abuser quand même de, mais ça, ouais, de son hospitalité. En plus, il veut aider Toff. Mais oui, vous avez des problèmes, c'est vous pas avez normal. Besoin d'aide. Ce n'est pas normal. Bon, on va s'écouter Charlie Puth et Selena Gomez. On va revenir juste après. On va se faire aussi ce soir le Amina. Chips et des lettres. Mais non, oui aussi, mais pas celui-là. Merci pour ton ex. Le merci pour ton ex. Voilà, qui va arriver dans quelques minutes. Si vous voulez participer, piéger votre ex et repartir avec une Xbox One au passage ou une tablette Samsung Galaxy Tab E, bah vous nous appelez au 01 40 71 5000. Selena Gomez, c'est maintenant et juste après. Les photos de la honte de Toff. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? est sur Énergie. Bonne nuit, minuit 57. On va se faire le jeu du merci pour ton ex dans quelques minutes. Une équipe de professionnels avec chacun sa spécialité. Mickaël, animateur professionnel, spécialiste du micro et leader de la team. Tof, spécialiste de l'insulte, de la vulgarité et de la connerie. Polo, spécialiste de la joute verbale, agressif et surtout de la mauvaise foi. Amina, juriste, spécialiste des problèmes de filles et seule femme de l'équipe. Et Seba, standardiste, faux muscles et escroquerie en tout genre. Mickaël sur Énergie, tu ne peux pas trouver mieux comme équipe. Tous les soirs, de minuit à 4h. Exactement, on est là. Bon, je ne sais pas si on ne peut pas trouver mieux, mais en tout cas, on est là. On peut pas trouver mieux. Voilà, on est là quoi qu'il en soit. Minuit 58, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Portugal sur Twitter qui dit je me pisse dessus, le mec hôtel c'était un ouf. Ah ouais, c'est clair. Antolastico qui dit évidemment que la pénétration ne suffit pas. Il faut aussi un resto, un bijou et un je t'aime. C'est vrai. Merci Antolastico, c'était par rapport aux meufs qui peuvent jouir juste par la pénétration. Et Jeanne-Françoise qui dit hier une question stupide, aujourd'hui une question à la con, vivement demain. Oui, ouais, c'est les appels de Toff, hein. C'est un petit peu ça le principe. Il y a Calvin Harris qui va arriver dans quelques minutes. Et attention, mon doigt doit pousser sur envoyer. Ah, les photos. Pour mettre les photos de la honte de Toff. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Il y en a 7. Mais fais un album. Ah, quand même, 7. Ouais, il y en a 7. Et ouais, il y en a 7. Ouais, mais là, on a franchement, tu sais, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on en balance en deux fois. Genre, on en balance un peu là, et puis dimanche, c'est l'apothéose. Bah, on peut faire. Non, mais dimanche, on peut faire l'apothéose, on fait vraiment le summum. On crée une nouvelle page, Pierre. La honte de la honte. Bon, merci. Attention. Attention, je pousse sur envoyer. Ça y est, publié, c'est fait. Vous pouvez aller voir les photos de la honte de Toff. Bon, comme je le dis, il y en a 7. Hein, et franchement, j'ai dû faire un tri. Hein. Toff m'a dit. Carte blanche. Carte blanche. Il n'y a rien à cacher. Carte blanche. Il y en a une, la plus belle, c'est quand même. Quel beau gosse. T'as vu ? Je me kiffe. Ah, t'as vu ? Ah ouais. Amina, quelle est ta préférée ? Attends, j'arrive pas à choisir là. Oh merde. Oh, je me kiffe. Alors. Moi, j'aime la cheville. La quoi ? La cheville 2007 là, avec le truc de le bonnet rouge. Ah oui, le bonnet rouge, c'était Nouvel An 2006-2007. Il avait ses lunettes 2007, c'était un ringard. Ouais, la dernière, elle est bien aussi. Patrick Sébastien là. Ouais, c'est ça. Ou Belle Amie, tu sais, un peu. Mais je devais être sur gros à cette époque là. Bah oui, je te confirme. Pourtant, ouais. J'ai l'impression d'être plus lourd qu'à l'époque. Ah ouais, non, bah. On dirait un chanteur lyrique. Ouais, il a une photo de trois quarts comme ça, non, où le nez prend toute la place. Je suis désolé, ma meilleure c'est avec les lunettes de soleil. Lesquelles? Ah, j'aime bien, ouais. Bah, il y en a qu'une. Ah oui, c'est vrai, ouais. Enfin, de soleil. Voilà, ouais. Donc les photos de la honte de Toff, vous pouvez les voir. C'est demain, c'est pour ma gueule, donc bon, va falloir que je me calme un peu hein, pour me foutre de la gueule des autres. Mais qu'est-ce que j'étais gros. Grave, mais vous m'avez rien dit. Bah, écoute, je rigole, arrête pas de se le dire, sérieux. Et encore, il y en a où t'étais encore pire avec les bourrelets et tout, je me suis dit. J'étais plus gros. Je vais pas les mettre parce que ça se fait pas. Si. Oh là là. Mais toi, tu te rends pas. On s'en rendu... J'en ai une que je n'ai pas mise non plus. On a une où on était. Alors, on était en Californie. Donc, alerte à Malibu. Hein. C'était le Fat Club ou quoi? Voilà. Non. On était en vacances de l'autre côté. On était en Floride. Alerte à Malibu, mais en Floride. Et là, tu sais, Mitch Buchanan, tu sais, les sauveteurs, beaux gosses, shorts rouges, tu vois, le muscle, les abdos, tout ça. Oh mon Dieu. Et là, que se passe-t-il? J'ai une photo. Peut-être qu'elle sortira un jour, mais pas pour l'instant. Je la garde encore sous le bras. Où on voit aussi bien Polo qui était surgras que Toff qui était surgras sortir de l'eau tels deux hippopotames. Mais mec, on s'en rendait pas à l'époque, on s'en rendait pas compte, mais on était surgros. Ah ouais, c'est au-delà de ça. Peut-être que je les mettrai un de ces quatre, je vais voir. Je me tâte. Bon, en tout cas, les photos sont dispo. Vous tapez MIKL officiel et vous allez pouvoir voir ça sur le Facebook de l'émission. Jérém qui est avec nous maintenant à Chambéry. Salut Jérém. C'est ça. Bonsoir. C'est ça. À tous. Salut Jérém, bienvenue à toi. Bon, en fait, j'en rigole d'avance parce que c'est un peu spécial ce qui m'est arrivé. Enfin, d'accord. Bon, je vais vous mettre en avant. Moi, ça fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Grindr. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. C'est Grindr pour gay, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Donc, moi, il y a un an et demi de ça, je me suis connecté dessus. J'ai trouvé un mec qui me plaisait bien. Voilà, on a commencé à se fréquenter. T'es gay de base ou t'es hétéro-curieux? Après une rupture avec une mousse, je suis passé du côté des mecs. J'en ai bien profité pendant 3 ans. Ouais. Et je vous explique la finalité où j'en suis aujourd'hui. Et donc du coup, j'étais en pleine euphorie là-dessus. Et donc du coup, bah, je me suis connecté sur l'application. Donc j'ai rencontré un mec avec qui ça se passait bien. Et il s'est avéré que, en plus, ça tombait bien. Il habitait à 2-3 kilomètres de chez moi. Donc on se fréquente, tout va bien. On se fait des sorties. Je lui présente mes potes, etc. Et puis, bah, niveau cul, voilà, on s'envoie en l'air dans tout l'appartement, façon de dire. Donc, bien sûr, en rapport non protégé, je sais pas pourquoi, quel effet, l'effet qui m'a fait, j'ai pas réfléchi, j'étais vraiment sous l'emprise totale de ce mec. Bien baraque, voilà, vraiment beau gosse qui pouvait limite faire de la photo. Ouais. Et donc du coup, ben un jour, je fête mon anniversaire donc avec tous mes amis et mon frère. Et ce soir-là, bah complètement bourré, on me ramène toute seule, sans lui, lorsqu'il devait rentrer chez moi. Et en fait, impossible de savoir où il était passé. Donc du coup, j'essaie de me renseigner, impossible de savoir où est-ce qu'il était. Et puis les quelques jours qui ont suivi, voire les quelques semaines, plus trop de nouvelles, je savais pas trop ce qu'il en était. Donc on s'est revus, j'ai vu qu'il y avait une prise de distance, que je reconnaissais pas trop son attitude. Et donc du coup, on s'est un peu pris de tête parce que... Bon, même s'il n'y avait pas d'engagement, j'étais quand même un petit peu accroché à lui, etc. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre que ça me faisait chier qu'on ait perdu un peu contact. Et puis en fait, un jour, mon frère m'appelle et me dit Jérém, faut que je passe te voir, faut que je te parle. Donc mon frère, ça fait 8 ans qu'on ne se parle pas. D'accord. Et que j'ai appris que certains et de mes ex filles et de mes ex-mecs en fin de relation ou pendant mes relations, il les a eu fréquentés. Et ça, je l'ai appris. Fréquenter ou baiser, parce que c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Il y en a qui l'a eu fréquenté et d'autres où ça allait plus loin. Mais mon frère et lui, par contre, 100% gay, il peut vraiment rien faire du tout avec une femme. Il y en a que la moitié avec qui il a couché, quoi. Ouais, c'est ça, alors que toi, non. Voilà. Il y en a la moitié et puis il a couché. Et les autres, les gonzesses, c'était des promesses de mondes et merveilles, bref. Et donc, du coup, mon frère vient me voir, il me dit, écoute, faut que je t'avoue que je fréquente quelqu'un que tu connais. Donc là, je lui dis, écoute, je pense que j'ai compris ce que tu voulais me dire. T'inquiète pas que dans ma tête, j'ai pas réfléchi 36 000 ans. Donc, j'apprécie que tu viennes me le dire, mais bon, de toute façon, on se parle déjà pas depuis 8 ans. J'apprécie ta démarche, mais ça arrangera pas nos relations. Et puis, donc le temps passe. J'ai un de mes ex de il y a un de mes ex donc une mec de il y a 7 ans en arrière. Ouais. N'hésite pas à être au but, Jérém, hein, parce que déjà Guillaume nous a sucré 10 minutes, alors si en plus. Comme une pénétration anale, tu vas direct. Ouais. Non, faut que ça passe, mec. En gros, il m'appelle. Vas-y, mets le gland et puis ça va passer tout seul. Vas-y, gros. Voilà. En gros, il m'appelle et il me dit Jérém, est-ce que tu es au courant que ton frère est en couple avec mon ex? Je lui dis oui. Ouais. Et il me dit, est-ce que tu es au courant de son problème? Je lui dis à part le fait que ça soit un gros manipulateur narcissique. Pour moi c'est ça son problème. Et là il me dit non, c'est bien plus grave et d'un autre attrait. Et je lui dis dis-moi. Et là il me dit il est séropositif. Ah ouais, comme tout à l'heure, effectivement, ouais. Voilà. Et donc du coup ce qu'il se passe, c'est que moi, prise de risque totale, parce que pas de capote, parce que je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai pété un plomb. Parce que t'es con, hein. Donc je suis allé faire les tests. Ouais. Les tests se sont avérés donc négatifs, donc je n'avais rien, donc j'ai vraiment touché du bois. Mais lui m'a dit comme t'as quoi, eu de la chatte. Donc il était comme il est gay, comme je pense. Il était comment dire le terme où on peut pas le déceler, enfin on peut pas le voir. Il est On a compris le. T'inquiète. Indétectable. Qu'il était indétectable. Ouais. Parce qu'apparemment, il suivait un traitement depuis 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il était porteur du virus, mais avec ce traitement, il ne pouvait pas le retransmettre. D'accord, ok, donc, ouais. Moi, j'essaye de prendre contact avec mon frère, mais j'allais pas lui dire salut, en fait, t'es au courant que ton mec il est séropositif, parce que j'étais persuadé qu'il allait se dire que j'allais foutre la merde. Donc, j'ai essayé de faire passer le message par ma mère. Et là, bah, en gros, concrètement, bah, ce qui s'est passé, c'est que quand je lui ai parlé, il me dit, bah, écoute, il m'a rappelé quand j'ai posé la question. Ah, oh, c'est là, charge virale indétectable. Charge virale indétectable, ouais. Bah, voilà. Donc, charge virale indétectable, faut quand même du coup, prendre, là, on va prendre du retard. Faut quand même prendre le traitement. Et apparemment, donc, son ex qui me dit, bah, son traitement, il l'a pas pris. D'accord. Le frère qui le fréquente, qui me dit que pareil. Mais qu'est-ce qui se passe enfin, Jérém? Non, je dis ça, c'est pas que je veux te dégager, hein, loin de là. Hein, c'est juste que il y a un moment où on se perd. Trop d'infos, on est perdu là. Donc du coup, il est indétectable, machin. Et après, il s'est passé quoi? Eh ben, mon frère, il s'est rien passé. Et là, j'ai appris, donc, il y a quelques temps de ça, qu'il avait fréquenté un mec avec qui il lui avait retransmis et que lui, justement, a bien chopé le VIH. Oh, à cause de ah, donc ton frère est à ses repos, alors? Non, notre mec. Ah non, l'autre. Frère, oh putain, ouais. T'as vu qu'on se perd, tu vois, pourtant on a écouté, hein, tu vois, même moi, c'est-à-dire, j'ai tapé à côté. Donc, ah oui, donc l'autre, voilà. L'autre est à ses repos. Ah ouais, d'accord, ok. Et toi, t'as rien dans l'histoire, ton frère? Donc plus, voilà, donc ça, je suis en train de me dire qu'on a eu un peu de chance, qu'on peut-être qu'on a le même sang. En tout cas, ouais, c'est peut-être de la chance. C'est certainement de la chance, d'ailleurs. Mais faut pas jouer avec ça. Mais faut pas tenter le diable, sincèrement, quoi. Putain. Mais le problème, c'est que mon frère est resté en couple avec lui. Voilà. Bah, écoute, le problème en soi, malgré il fait ce qu'il veut, tu vois. Si après, ça l'empêche pas, tu vois. Il peut rester en couple avec un séropositif, ça pose pas de problème. Tant qu'il se protège et qu'ils font attention et des tests assez régulièrement, ma foi, c'est pas grave. Apparemment, c'est un très gros coureur et bon, personnellement, moi, je serais resté avec lui et j'aurais su ça. Je pense que ça m'aurait bloqué, en fait, de rester avec quelqu'un de ses repos. Je sais pas pourquoi. Oui, mais après, voilà, c'est toi qui. Voilà, pour toi, tu trouves ça dangereux et tu, oui, ça l'est dans un sens. Mais après, il y en a qui. Que ça ne dérange pas, de toute façon. Hein, mais, Non, mais il y a des traitements, de toute façon, quand tu es en couple, vraiment. Ouais. Ouais, il y a des matins, il y a le traitement PrEP. Apparemment, il y a un traitement après. De toute façon, globalement, si on en a besoin, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est d'aller simplement en parler à son médecin et voir un peu ce qui existe clairement. Hein, de toute façon, bon, en tout cas, t'as eu de la chance. J'espère que tu te rends bien compte et que tu feras plus la connerie. Du coup, Ah oui. Bah là, du coup, je me suis retrouvé avec une cougar de 44 ans ce week-end. Ah ouais. Du coup, il a carrément changé d'orientation. Ouais, ouais. Lui. Mais c'est pareil. Ça change pas le problème. Faire attention. Non, ça changera pas le problème non plus. C'est vrai. Et en fait, bah du coup. On s'est bien chauffé, etc. Parce que j'ai mis un petit spa sur ma terrasse. Et donc, bah, bien sûr, quand on se retrouve dans un jacuzzi, ça peut vite partir en vrille. Et là, bah, du coup, pour répondre à l'enquête que vous meniez tout à l'heure sur les orgasmes, ouais. Bah, au final, j'avais pas de capote. Et ben, on s'est juste régalé, juste en phase préliminaire. Et je lui ai donné deux orgasmes juste en phase préliminaire. Mais oui, mais comme quoi, effectivement, la pénétration n'est pas forcément indispensable. Et juste une info en plus, le traitement d'urgence, apparemment, c'est dans les premières heures d'infection du sida. Ouais. Donc, dès que vous avez un rapport à risque, n'attendez pas le lendemain ou dire, oh, bon, bah, j'irai chez le médecin lundi. Non, allez-y vraiment le plus vite. Il faut attendre, il faut y aller tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Allez-y vraiment le plus vite possible, en tout cas. Bon, du coup, on va te souhaiter une bonne soirée, Jérém. Merci d'avoir appelé, en tout cas, pour les infos. Ben, merci. Content vous. Pour toi que t'aies rien. C'est tout couvert. Bah voilà, exactement, ouais. Et bah salut Jérém, à bientôt. Salut à toi. On va se faire dans quelques minutes le merci pour ton ex. Il y a Antoine qui dit oh là là, top vainqueur, haut la main des photos de la honte. Ah bah ouais, les photos là. Merci, attendez, j'ai pas joué encore. Frédéric qui dit la classe, Toff. Chien de la casse, c'est Rayad. c'est aussi Ludovic qui dit il a vraiment une bonne tête de merde. Quel sac à merde, ce Toff, c'est Yann. Mohamed qui dit lol, le chien de la casse, je vous suis depuis Casablanca. Et bah voilà, tu vois. Il est né pas loin de toi, hein. Enfin, pas loin. Sur le même continent, il est né dans une poubelle à Alger. C'est vrai. Ah ouais. Et Let's Be Free, c'est the best picks de Toff ever. Ah ouais, ça c'est clair. Bon, on va écouter le son de Calvin Harris maintenant sur Énergie. Et merde, on va revenir juste après. Je pensais qu'il y avait une petite musique là au début, c'est pas grave. Calvin Harris donc maintenant, et on revient juste après avec le merci pour ton ex. Why wait to say, at least I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. My way. I did it my way. Fly way, too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Énergie, belle nuit tout le monde, minuit, non, 1h15 déjà, putain ça passe vite. Tous les soirs du pur bonheur, on vous écoute, bah c'est gentil, merci beaucoup. On va s'écouter le son de Chainsmokers à suivre. Parfois on est perdu, on cherche son chemin, on se sent seul et abandonné. Ne t'inquiète pas, tous les chemins mènent à Mickaël. Mickaël est sur Énergie tous les soirs de minuit à 4h. Bon, Chainsmokers arrive et puis on va se faire maintenant évidemment aussi le merci pour ton ex. Merci pour ton ex. C'est avec Cathy qui est avec nous maintenant. Salut Cathy. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, bah bienvenue, bienvenue. Oh, ça a l'air. Alors, ouais, grave. Hein. Ouais, ça bon, va. Bon, Cathy, on va se faire le merci pour ton ex maintenant. Je imaginais, bien évidemment, par Amina, je préfère le préciser comme ça, merci. Si jamais ça rate, je le répète à chaque fois, mais au moins ce sera de la voilà, faute d'Amina, évidemment. Faute. Mais si ça fonctionne, ce sera la tienne. Bien sûr, bah, oui. Puisque là, en plus, c'est moi qui vais jouer. Vu que Cathy, j'imagine qu'on va piéger ton ex mec. Oui, voilà. Oui, exactement. Très bien, ok. Alors, comment il s'appelle? Ouais, il s'appelle Cédric. Cédric, je rappelle le principe, en fait, le merci pour ton ex, c'est que, bah, en l'occurrence, bah, là, c'est Cathy qui piège son mec, donc c'est moi qui vais jouer. Si c'était un mec qui piégeait une ex, bah, ça aurait été Amina. Oui. Donc là, je vais appeler ton ex et je vais bah, le chauffer en disant, en le remerciant qu'il t'ait quitté ou que tu l'aies quitté, puisqu'aujourd'hui, c'est avec toi que je suis, blablabla, blablabla. Le but, évidemment, c'est de l'énerver au maximum. Pour ça, j'ai besoin d'avoir également son âge. Il va avoir 33, là. 33, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais point. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était VRP avant. VRP. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Ouh, ça remonte à 8-9 ans. Ah oui, quand même. Mais est-ce qu'il va se souvenir ouais. de toi? Oui, bah oui, c'est le père de mes 3 enfants. Donc ah oui, il va se souvenir de toi. Oui. Alors, oui, non, mais là, oui, là, il va se souvenir de toi, c'est certain. Ok. Un petit peu, ouais. Donc, vous avez 3 enfants en commun. Ok. Voilà. Très bien. Donc, toi, c'est Cathy. Ok. Quel âge t'as, Cathy? 33. 33 aussi, d'accord. Donc, du coup, bah, forcément, 3 enfants aussi. Hein. Tu fais quoi dans la vie, toi, Cathy? Non, j'ai 4 enfants, moi. J'en ai un autant. Ah, t'en as 4. Ah, bah oui, forcément, t'as le bonus. Ouais. Voilà. T'as l'enfant complémentaire. D'accord, ok. Et toi, voilà. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis en formation d'agent de sécurité. Formation agent de sécu. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que j'ai... Mais attends, mais tu connais même pas le métier de du père de tes enfants? C'est incroyable. Non, c'est un connard, je lui parle pas. Depuis le temps, je sais pas, parce qu'il fait diverses activités variées, on va dire. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu veux dire qu'il est dans le business? Ouais, il est dans le biz. Voilà. Il est dans le biz. Ah, et non, bise, d'accord. C'est okay. ça. Très bien. Est-ce que tu sais si à l'époque il avait des. Il y avait des trucs qu'il n'aimait pas chez lui physiquement, des complexes qu'il avait ou qu'il peut encore avoir éventuellement? Genre, il était trop petit, trop grand, trop gros, les cheveux qui tombent, quelque chose? Non, pas au niveau physique. Pas au niveau physique? Ouais, il a un petit peu la calvitie, quoi. D'accord, ok. Et ça s'est aggravé, évidemment, depuis les 10 dernières années? Oui. Forcément. D'accord. Ok. Bon, eh ben écoute, très bien. Amina, comme c'est ton jeu, une idée de question encore à poser avant qu'on fasse le jeu à Cathy? On pourrait lui demander déjà le prénom des enfants parce que t'es beau papa maintenant. Ah oui, c'est vrai, prénom des gosses, ouais, c'est quoi? Alors Ryan, Nolan, Sloan. Mais bon, bah, c'est une blague. Je sais pas, vu qu'il n'est pas en commun. Non. Folan. Il n'y a pas de tête d'âne. Folan. Non, ça c'est non, ça. Ryan, Nolan, Sloan. Ah, Sloan, d'accord, ok. Et moi, tu es dans quel département? Moi, je suis dans le 09. Ah, 09, d'accord, ok, très bien. Et d'origine, tu n'as pas de 59? Et lui, il est en Bretagne. Ah, il est breton, bah, voilà, très bien. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à avoir les prénoms American qui viennent plutôt du Saguenay, en règle générale. C'est vrai, du Nord. Ah oui, non, vraiment, non, 09, là. Ouais. Ah non, bah là, c'est pas du en dehors, oui, non, rien à voir. On est un peu surpris, un peu. Bah ouais, mais tu vois, comme quoi. Bon, alors, Cathy, est-ce que tu lui as offert des trucs à l'époque? Quelque chose, par exemple, je sais pas moi. À part des enfants. Ouais, à part des enfants. Mais c'est un cadeau un peu sympa que t'aurais pu lui faire à l'époque. Genre un voyage ou je sais pas moi. Un bijou. Et mon bijou. Quelque chose. Non, des petites attentions comme ci, comme ça, mais pas plus que ça. Des restos. Ouais, des restos. Bon, très bien. Combien de restos à peu près? Je pourrais pas te dire. D'accord, ok. J'aime beaucoup le. On va le refaire de temps en temps, ça. Ok, donc des restos. Bon, écoute, je vais lui demander de repayer. Ouais, ça fait longtemps, quoi. Très bien. Bon, écoute, je vais. Et ils habitent où les enfants, avec toi ou avec lui? Alors, non, ils sont avec lui. D'accord, ok, très bien. Ok, donc ils. Et toi, tu les vois? Enfin, tu les as. J'en ai un avec moi et les trois autres avec lui, en fait. D'accord, mais tu les as de temps en temps ou tu n'as jamais la garde? Oui, je les ai aux vacances. Je les ai à toutes les vacances. Ah, d'accord. La moitié des la moitié de Noël. D'accord, très bien. Ok. Eh ben, écoute, parfait. Bon, ben, ne bouge pas. On va se mettre un son et puis on va l'appeler juste après, d'accord? On va se faire le merci pour ton ex en espérant que ça le chauffe, évidemment. Il était, j'ai pas posé la question. Oh, je pense qu'il est assez nerveux. Oui. Ouais. Bon, espérons qu'on le réveille pas. Bah, bouge pas de là. On se met un son. Je te reprends après, d'accord? Ça marche. Bon, allez, c'est parfait. Bah, ne bouge pas de là, justement. Polo qui est au téléphone. Lui, il se fait plaisir. Normal. Il est là, tranquille. Ouais, c'est une meuf, ouais, c'est ça. C'est ouais. Plus chaud là. Bon, et puis on va parler aussi. Ah oui, putain, fallait que je parle d'un truc. Bon, que Toff n'aille surtout pas aux Philippines, ça c'est la première chose, hein, puisque si on attrape quelqu'un en train de se curer le nez là-bas, il risque d'être arrêté. C'est ouais. Bien ça. T'imagines? C'est violent quand même. Hein. Il rigole là-bas. Pas avec ça apparemment, hein, ça donne une mauvaise image des Philippines, du coup ils envoient les gens en prison. Oh. C'est d'après un médecin anglais, on aime se curer le nez parce que les parties du cortex connectées à la main et celles connectées au visage sont très proches et donc c'est pour ça qu'on aime bien se tripoter les lèvres, le nez, etc. Bah, viens nous dire si vous avez, si vous curez le nez aussi ou si vous mangez vos crottes de nez ou si vous avez toute autre manie assez bizarre. Appelez-nous au 01 40 71 5000 ou au 02 703 007 1 si vous voulez justement nous donner vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous vous curez le nez ou est-ce que vous avez des manies assez particulières, assez qu'on pourrait dire burk, mais c'est une manie, c'est comme ça. Dites-le nous 01 40 71 5000 ou alors par SMS Mickaël et votre message au 6 11 12 et on se fait évidemment la suite du merci pour ton ex juste après le son de Chainsmokers. Il est 1h22, c'est Mickaël sur Energy. Les appels mal intentionnés de Toff arrivent également, ce sera d'ici un petit quart d'heure sur Energy. Bonne nuit. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We'll be right back. the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. On est sur Énergie, passez une bonne nuit au cœur de la nuit sans pub. Justement, on va écouter le son de Félix Jane, il y aura Ken Jones également, et puis on va se faire le merci pour ton ex. Parce que la nuit, c'est un lieu secret, un lieu magique. Chaque nuit est un événement. Parce que la nuit n'est pas faite que pour dormir, et que la nuit, il se passe bien des choses. Mickaël s'installe tous les soirs de minuit à 4h. Alors profite-en. C'est sur Énergie et sur Facebook, Twitter et Instagram. Mickaël officiel. Ouais, d'ailleurs, il y a l'iPhone à gagner aussi sur le Facebook de l'émission. Tirage au sort dimanche soir entre 20h et minuit. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez tenter votre chance pour être tiré au sort, rencard sur la page Facebook, vous tapez Mickaël officiel. Bon, on écoutera Félix Jen, je l'ai promis, ça arrive. Et puis on va se faire le merci pour ton ex. Merci pour ton ex maintenant avec Cathy. T'es toujours là, Cathy? Oui. Très bien. Et tant mieux. On va donc jouer ensemble maintenant. Merci pour ton ex. Jeu imaginé par Amina. Voilà. Je le rappelle encore une fois, hein, cas où ça production soit originale. Voilà. Et donc on va appeler. Donc le principe du jeu, c'est qu'on appelle ton ex pour le chauffer. Hein. Donc globalement, si vous avez envie qu'on piège un de vos ex, vous n'hésitez pas à appeler dès maintenant Seba au standard 01 40 71 5000 ou directement vous lui envoyez un mail seba@energie.com. Donc Cédric, c'est le prénom de ton ex. Il a 33 ans comme toi. Il a été VRP à l'époque, aujourd'hui tu sais pas trop, mais bon voilà, c'est ce qu'il faisait avant. Vous êtes plus ensemble depuis 8-9 ans, vous avez quand même 3 enfants en commun. À l'époque, il avait un peu de calvitie, donc j'imagine que maintenant forcément ça a un peu empiré. Vous avez 3 enfants, Ryan, Nolan et Sloan. Et c'est ça. Voilà, et donc toi tu n'as pas la garde principale puisque tu les as pendant les vacances. Et oui. Voilà, écoute, je pense qu'on a tout. Donc je vais l'appeler maintenant. Donc toi, t'as évidemment la chance de ne pas avoir grand chose à faire, vu que c'est moi qui vais évidemment tout faire pour le chauffer. Et puis pire, je te demanderai ton aide. On dira qu'on est chez moi à la maison. Bon, voilà quoi. D'accord. Est-ce qu'il a une nouvelle meuf lui? Ouais, il a une nouvelle meuf ou pas? Je sais pas, je pense pas. D'accord, ok, très bien. Il est tellement moche, il peut trouver personne d'autre. Ouais, c'est ça. Il est moche. Moi, je l'avais pris par désespoir. Ouais, il est moche ou c'est un beau gosse? Sois honnête. Hein, entre les deux. Hein, sois pas vénère pour un truc. Sois honnête. Entre les deux. Bon, d'accord. Dire. Et je t'ai pas posé la question. Pourquoi vous êtes plus ensemble? Différentes opinions. Disons qu'on a des caractères assez similaires, donc ça chauffait quoi. Ah d'accord, ok. Mais il y a pas eu de petite tromperie à gauche à droite, non? moi, je l'ai trompé et je me suis barré. Quelle salope, alors. Toutes les mêmes. Non, je rigole, ça en va. Même temps, quand le mec est tout le temps avec ses potes, voilà, quoi. Ouais, enfin bon, d'accord, mais t'es pas obligé de le tromper. Tu peux mettre tes choses au clair et lui mettre un coup de pression. Ouais, t'es pas obligé je me suis de... barré juste derrière, donc voilà. Même, même. Ouais, d'accord, ok. T'aurais dû te barrer et puis après, tu le trompes. Ah, oui, c'est pas là, tu ouais. te trompes pas. Voilà. Tu te trompes pas puisque tu t'es barré. Je me trompe de mec, quoi. Ouais, tu peux éventuellement, oui, à tester, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on va l'appeler maintenant. Tu ne bouges pas de là, c'est parti. On est chez moi, et puis, bah, puis on va essayer de l'énerver. Hein. Allez, c'est parti. C'est Cédric qu'on appelle tout de suite. Ah. Bonne chance. Ouais, bah, je te remercie. Personne te le dit, donc moi je te le dis. Ouais, ouais, mais t'as vu, mais j'en ai rien à foutre, c'est parce que c'est des connards les autres équipes, c'est pour ça. Bien sûr, je suis Michel. Allô? Allô? Ouais, c'est Cédric? Ouais. Ouais, salut Cédric. Dis, excuse-moi de te déranger, je m'appelle Michel. En fait, je suis le nouveau mec de Cathy. Ouais, d'accord. Ouais, je t'entends mal là, je te dérange pas là. C'est le haut-parleur que t'as ou? Non, je suis là. Non, mais non. Bah en fait, je t'appelais juste parce que voilà, c'est ça fait quelques semaines que je suis avec Cathy et puis bah je voulais juste te remercier de plus être avec elle aujourd'hui parce que c'est une meuf bien et tout et que voilà quoi. Je voulais juste qu'on se parle pour te remercier quoi. C'est bien. Voilà. Donc il y a plus rien entre vous là aujourd'hui. Hein, c'est fini. Bah oui. Ouais. Enfin, je veux dire, t'essayes pas de récupérer parce que tu vois, je pourrais, si jamais t'essayes quelque chose, ça pourrait mal se finir, quoi. Donc, je préfère te prévenir. Ouais, mais t'es qui, toi ? Ben, je m'appelle Michel. Et justement, voilà. Donc, je voulais juste être certain qu'à aucun moment, tu vois, t'essayes quelque chose. Tu vois, j'ai pas envie qu'on s'embrouille et que tu finisses à l'hôpital parce que t'es quand même le père de ses enfants et voilà quoi. Attends, je t'entends mal vraiment. Tu peux pas mettre le téléphone plus près de ta bouche parce que je comprends pas ce que tu me dis. Je te dis, je m'en bats les couilles, après ça va, je m'en tape les couilles. D'accord, donc normalement, je devrais pas te casser la gueule, tout ira bien quoi. Allez, franchement, c'est quoi? Bah non. Allez. Ouais, je suis là, ouais. C'est quoi, non? C'est quoi? Tu viens me casser les couilles, qu'est-ce que tu viens me casser la gueule? Je comprends rien, je sais pas ce que t'as comme téléphone, mais il va falloir changer, hein, parce que là. Je comprends rien, en fait, j'ai l'impression que t'as une chaussette devant le téléphone. Ouais, c'est bon. Non mais voilà, donc voilà, je veux juste que les choses soient claires, parce que comme je sais que vous avez des enfants en commun et tout, ben on sera amené à se voir, voilà, que ça non, se passe... Non, pas du tout, parce que moi je veux plus l'avoir, alors il m'a rien à foutre. Ouais, non mais d'accord, mais bon, parce que justement, je voulais en venir... Je voulais faire... voir, tu veux déchanter, alors me casser la gueule, c'est bien. Non mais je comprends pas ce que tu me racontes, mais je veux dire, j'imagine que t'es d'accord. Je voulais juste qu'on parle aussi... Ouais, d'accord, pour te casser ta gueule, c'est sûr, hein. Mais non, tu vas pas me casser la gueule. Je voulais juste qu'on parle des enfants aussi. Mais non, parce qu'apparemment. Mais non, mais elle m'a dit qu'elle avait la garde pendant les vacances. Pourquoi tu me casses les couilles, toi? Non, mais je veux juste que les choses soient claires. Les couilles, t'as dit que t'as vu j'ai mes enfants. Bah justement, comme on en parle, je veux bien qu'on les garde pendant les grandes vacances, enfin pendant les vacances. Mais par contre, faut que tu payes. Hein. Moi, je hors de question que je paye de ma poche pour des mouflets qui sont pas les miens. Bah, je m'appelle Michel, je t'ai déjà dit. Mais Michel, je vais t'enculer, toi. Mais non, arrête un peu de dire des conneries comme ça. Je veux dire, je te dis, je t'appelle pour que ce soit peace and love, pour qu'on ait pas de problème. Vas-y, papa, mon temps, rappelle-moi demain matin, s'il te plaît. Bah non, parce que moi, le matin, je dors, tu sais, moi, je suis au chômage, donc le matin, moi, je suis pas dispo. Hein. Donc voilà. Donc, on est d'accord, hein. C'est toi qui tu mettras la... Merde, elle a raccroché. Bon, putain, il a un téléphone de merde, Cathy. Hein. C'est un bon client, ouais. Ça a l'air en tout cas. D'ailleurs, Toff, je pense que Toff a gardé son numéro pour, pour les appels mal intentionnés. Je vais le rappeler, attends, bouge pas. Je vais le rappeler. Putain, il a vraiment un téléphone de merde. Comment on peut avoir un téléphone aussi pourri? C'est comme si je tournais comme ça. Oui, allô? Exprès. Peut-être. Allez. Ouais, allô Cédric? Allô? Ouais. Bon, c'est Michel, on a été coupé, c'est pour ça que je me permets de te rappeler. Non, mais vas-y, la tête de ma mère, rappelle-moi encore une seule fois, je te jure. Tu crois, vas-y, appelle avec ton numéro, il appelle en privé. Mais non, mais le problème, c'est que j'appelle avec le numéro du boulot, c'est pour ça qu'il est masqué. Mais je m'en bats les couilles, vas-y. Mais si tu veux, je te donne mon numéro, ça c'est pas un problème. Donc, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ça reste. Non, on n'est pas d'accord, je vais te baiser ta race, tu vas voir. Attends, c'est pas parce que t'es moche que tu dois commencer à m'insulter, hein. Mais ta mère qui est moche, toi, ouais. Non, parce que j'ai vu une photo de toi à l'époque avec ta calvitie, là, mec, on dirait un grand-père. T'es sûr que t'es le père, t'es pas le grand-père? Putain, mais toi, si jamais j'arrive à trouver c'est qui, j'ai baisé, t'as me parlé comme ça. Je m'appelle Michel, je te dis, putain, qu'est-ce qu'il est con alors? Putain, t'as bien fait de pas rester avec lui, hein. Alors là, putain, il a pas inventé la poudre, hein. À mon avis, l'intelligence, elle est partie avec les cheveux. Il y avait un peu de place, là, c'est pour ça. Bon, on est d'accord, je te mets pas, je te défonce pas, on est tranquille, on part sur une bonne base. Tu vas pas essayer de la récupérer, je te pète pas la gueule et tout va bien, quoi. Allez, vas-y, ferme ta gueule, allez. Non, mais vas-y, tranquille. Mais attends, mais comment ça, je ferme ma gueule? Attends, on est poli, on est des adultes, là, je pense, non? Mais je t'appelle simplement pour qu'on soit à la cool, que tout soit clair, net et précis. Donc tu me dis, voilà, ouais, tu dis que t'es d'accord avec tout ce que je dis, puis on est tranquille, voilà, ça y est, c'est fait, tout le monde dort bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est normal. Ah bah nickel, voilà, bah très bien, bah voilà, bah c'est nickel alors, impeccable. Bon, Ouais, impeccable. Non, bah c'est nickel. Bon, écoute, alors quand est-ce qu'on se voit alors, comme ça on met les choses au clair et on signe un contrat? Vas-y, viens demain matin 8h. Vas-y, viens chez moi demain matin 8h. 8h? Ouais, viens. Bon, écoute. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Mais écoute, en tout cas, je suis content maintenant qu'on a quand même un point commun. On est quand même un peu de la même famille, puisque tu sais, il y a quand même les enfants qui nous relient. Donc, bah voilà. T'as la mère qui nous envoie trop vite. Qu'est-ce que tu racontes? Bah attends, mais t'as les enfants, t'es le père des enfants de ma meuf. Donc, il y a un moment, tu sais, je suis un peu leur beau-père. Hein. D'ailleurs, j'aimerais. Alors, je sais que ça va peut-être te déranger, mais je pense que c'est mieux pour eux qu'ils m'appellent papa. Non, quand on se voit, hein, j'entends bien. Hein. Bon, tu resteras leur père, évidemment, officiel, ça c'est clair. Mais c'est juste, c'est pour, voilà, je crois que c'est pour le. Ta gueule, tu es taras, fils de pute, que tu casses les couilles, là, que tu parles de mes gamins comme ça, fils de pute. Mais non, mais c'est juste pour leur bien-être. C'est comme ça, quand ils sont chez elles, bah au moins ils ont un papa aussi, tu vois. Ouais, de toute façon, ouais, tu prends ta gueule, elle est seule. Allô ? Ouais. N'est pas très correct. Pas très cordial. Un peu énervé. Il a l'air un peu énervé. Je vais le rappeler parce qu'il a promis de baiser ma race. Oui, si c'est je ça. Le rappelle. Attends, bouge pas, Cathy. On lui dit après quand on était à la radio ou pas? Ouais, bah oui, ouais. Ouais, d'accord, ouais, ok. Bienvenue chez Merde. La Canopale. Oh putain! Putain, mais je suis sûr qu'il pourrait répondre en plus. Ah bah, bah oui. Bah, ça c'est sûr qu'il peut répondre. Il est pas complètement débile, hein, j'imagine. T'en bouge pas. Bienvenue chez la Canopale. Bon, allez, on va laisser un message, tant pis, c'est pas grave. De message vocal automatisé. Après le bip, veuillez enregistrer votre message. Après l'enregistrement, vous pouvez raccrocher ou presser la touche 1 pour plus d'options. Ouais, Cédric, bon, allez, ça va, putain. Je peux plus rire 5 minutes maintenant, là. Hein, t'étais à la radio sur Énergie. Oui. Je m'appelle Toff, T-O-P-H. Si tu veux venir péter la gueule avec quelqu'un, n'hésite pas, évidemment. Hein. Bon, c'est Cathy Boileau qui voulait te faire un petit canular, voilà, pour se remémorer la bonne époque. Le bon vieux temps, tout ça. Bon, bah écoute, d'habitude, je file le cadeau au mec piégé. Bon, là, tu décroches plus, du coup, je vais le filer à Cathy, hein, c'est bien dommage. Mais bon, bah du coup, bah tu peux choisir, Cathy. Tu veux la Samsung Galaxy Tab A ou tu veux, qu'est-ce qu'il y a aussi, une Xbox One ou un iPad mini? Ah bah je vais prendre l'iPad. L'iPad, bah voilà, l'iPad mini 4 pour toi. Bah ouais, mais s'il avait décroché aussi, en plus je comptais lui dire là que c'était un canular, mais il décroche plus, bah tant pis hein. Bon bah c'est pas grave. Tant pis pour lui hein. Eh bah tant pis pour lui, bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon, merci pour ton ex. Eh bah voilà, merci pour ton ex, exactement. Bon, salut Cédric en tout cas, sans rancune hein. Donc Toff, T-O-P-H, je sors de la radio, enfin je, oui c'est ça, je sors vers 3-4 heures du matin, voilà. 1m80 grisonnant, corde de lâche, j'ai les yeux bleus, je suis donc grisonnant, voilà c'est ça. Rendez-vous à la station Autolib. Et oui, voilà, station Autolib, Auteuil Molitor, voilà, donc c'est plus ou moins vers cette heure-là. Tu peux me fracasser la gueule, hein, vraiment là, tu peux en faire de la purée, tu peux en faire des petits pois. Mais ça mérite quand même. Bien sûr. Vous remarquez que je suis, j'ai pas peur. Ah bah non. Je le dis ouvertement, voilà, ça y est. Je suis Toff et vous pouvez me péter la gueule. Ça, c'est un bonhomme. Eh bah, t'as vu un peu. Je pèse. Bon, salut Cédric, du coup, à bientôt alors. Bon, voilà. Bon, Toff, je suis désolé, mais il y a un moment, j'ai besoin d'un punching ball. J'avais compris. Voilà, mais je te remercie. Rassure-toi, tu n'auras pas de prime pour ça. Hein, si jamais il t'arrive quelque chose. Hein, On t'entend pas, tu as coupé ton micro. Pardon, j'avais compris. Voilà. Bon, Cathy, du coup, bah, bravo. Hein, tu restes en standard. On va te repasser Seba. On va te prendre tes coordonnées. Et puis, on va t'envoyer l'iPad mini. Alors. Il prend du temps, mais c'est pour être sûr que ça soit bien écrit. Merci, énergie. Franchement, avec plaisir. Continuez comme ça. Vous êtes super. Eh ben, c'est gentil. Gros bisous, Cathy. À bientôt. Merci, bisous à vous. Au revoir. Bon, et si jamais vous avez envie de faire aussi un petit menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Si vous voulez faire un canular, si vous voulez faire un merci pour ton ex, vous pouvez évidemment vous inscrire dès maintenant 01 40 71 5000. On jouera demain déjà, il y a le canular, c'est jeudi. Et puis dimanche aussi, on sera là à partir de 20h, 20h minuit en direct sur Énergie. On écoute le son de Félix Jed maintenant, il est 1h38. Les appels mal intentionnés arrivent. David également et Alex de Lyon qui voulaient réagir notamment aux photos de la honte de Toff qu'on a posté sur le Facebook. Vous tapez M-I-K-L officiel. I can hear the whispers around me, around me. Hurts, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. Close my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Bitches, lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Oh. I am the bonfire, you make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, throw on me. I am the bonfire, you make me stronger. Et bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie. Et on va faire les appels mal intentionnés. J'ai fait un rêve. Plus de libre antenne, plus de rire, plus de musique, plus de radio. Rien, rien, mais vraiment rien. Le vide absolu. J'ai fait un rêve. Plus d'insultes, plus de délire, plus de cadeaux, plus d'auditeurs. Plus rien. Rien. J'ai fait un rêve. La nuit, on dormait. Mais j'ai su que c'était un rêve. Toff était tellement beau dans ce rêve que c'était pas possible. Mickaël, Toff, Polo et Amina, du lundi au jeudi, de minuit à 4h, sur Énergie. Et le dimanche aussi, de 20h à minuit, pour rappel. Ça fait 3 jours que je vous écoute et je me fends la gueule. Changez rien, c'est l'amateur du 7-3. Eh bah, merci l'amateur. Merci l'amateur. Il y a Eddy aussi, salut toute l'équipe, je suis agent cynophile et je passe une bonne partie de la nuit avec vous. Que du plaisir, surtout ne changez rien non plus. Je suis avec vous chaque fois que je travaille. Et bah, merci à toi, Eddy. Et même quand tu bosses pas, tu pourrais être avec nous, hein. La radio ne marche pas que pour ceux qui bossent. Bah non, oui. Mais attends. Tous les soirs, pur bonheur aussi, décidément, on va finir par prendre goût à tous ces compliments. Violent les photos Toff, on dirait Gérard Lenormand et Jacouille. Merci, merci. Mais c'est tellement vrai. Bon, avant de faire les appels, il y a Alex de Lyon qui voulait réagir aux photos, justement, les photos de la honte de Toff qu'on a posté sur le Facebook tout à l'heure. C'est sur MIKL officiel. Et donc, alors Alex, bienvenue à toi. Déjà, tu voulais donner ton avis sur, sur cette belle gueule, hein, parce que bon, Toff est quand même le beau gosse de l'émission, hein. C'est le beau gosse de la radio. Il est très beau. Oui, oui. Ah ouais, ouais. De Paris, même. Le beau gosse de France, d'Europe, du monde. Voilà, Brad Pitt peut se cacher. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il en est à divorcer. Ouais, c'est clair. C'est Toff, cette espèce d'aura c'est ça, qui parce dégage. Que Toff a réussi à pécho Angelina. C'est vrai. Voilà. Désolé, pardon. Ah ouais, tu peux t'excuser, chien. Bah. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais donner, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, par rapport à ces beaux gosses? Non, mais ils ressemblent à. Tu sais, les Astérix et les Edith Travaux. Les Edith Travaux d'Astérix. Ouais. Le petit bonhomme qui montre tous les travaux à faire, il est de profil, il ressemble vraiment à. Oh, je l'ai pas vu. Je crois pas l'avoir vu. Ça me dit rien en tout cas. Attends, on va essayer de trouver. Amina a trouvé la photo. Je crois que ça me dit quelque chose. Attends. On va regarder. Ouais. Tu trouves qu'il y a une ressemblance avec ça? C'est peut-être lui qui a joué. Il nous a rien dit, hein, l'enculé. C'est les 12 travaux. Ouais. Ah, les 12 travaux. Les 12 travaux. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Les 12 travaux d'Hercule. Ah. Hein. Tiens, il y a une parenthèse. Il y a l'auditeur qui dit. Enfin, il y en a plusieurs qui m'ont dit. Ouais, putain, l'auditeur, t'as pas grillé dans le merci pour ton ex parce qu'il y a un moment, tu dis que t'es au chômage et après, tu dis que t'appelles avec le numéro du boulot. C'est. Ah oui, putain, effectivement, ouais. Ah bah oui c'est moi. Effectivement. Et alors si tu veux ouais. Alors regarde aussi Lambic dans Bob et Bobette, une bande dessinée. Ouais. Regarde Lambic. Tu vois qui je parle, Alex, ou pas? Ouais. Eh ben moi, regarde là, je conduis, ouais. Ah merde, la ressemblance est frappante ou pas, Amina? Oui, un petit air, c'est vrai. Attends, y'a pas un air. On dirait que c'est lui en plus vieux. Peut-être qu'il a inspiré les animés. Remontre-moi la photo de Lambic. Y a une chose sur les photos de Toff. C'est que ceux qui sont homo, ben ils deviennent hétéro, quoi. Oui, voilà, c'est ça, effectivement, pour éviter de se taper Toff, ouais, c'est vrai. Je suis ultra beau gosse, c'est ça que tu veux dire. Et toutes les meufs qui le voient deviennent Gwyn, donc résultat, on est dans la merde. C'est clair. Bon, bah, Alex, bah, merci d'avoir appelé en tout cas, tu nous rappelles quand tu veux. Ouais, merci. Salut à toi. Ciao, Alex, on va faire les appels mal intentionnés. Et qui dit appel mal intentionné dit générique. Nique ta mère, fils de pute. La chatte de la con de ta mère, la pute. Enculé. Sabata, je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Voilà, bon, générique des appels mal intentionnés. Et selon un sondage de Top Santé, les trois quarts des femmes n'arrivent pas à jouir par la simple pénétration. Bah oui. Les pauvres, c'est triste. Ouais. Donc Toff, tu vas voir avec tes amis s'ils y arrivent. Ben allons-y. C'est parti, grâce au numéro, comme tous les soirs, que vous envoyez sur le mail de Toff, c'est toph@energie.com. On y va, c'est parti, on appelle. Oui, oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous arrivez à jouir par la pénétration. Comment? Est-ce que pendant que votre mari il vous pénètre, vous arrivez à jouir? Allô? Oui. Oui, je m'excuse, j'ai pas compris parce que vous parliez trop loin du téléphone. Oui, dites-moi. Non, je voulais savoir si vous arrivez à jouir pendant que votre mari vous pénètre. Comment? Bah, vous êtes qui là? Toff, madame, je m'appelle Toff. Toff? Oui, c'est ça. Ça. Bah, c'est moi, madame, parce que vous m'avez demandé qui c'est et je vous ai dit c'est Toff, donc Toff, c'est moi. Mais pauvre mec, mais va te faire enculer, celle de fille de pute. Oh non, madame, non, ça se dit pas des choses comme ça, enfin, c'est pas poli. C'est pas poli, mais elle te le dit quand même. Hein. On va la rappeler, elle était charmante, hein. Ça se fait pas. Dès le début, une conversation cordiale et puis après, bam, ça part en couille. On rappelle. Oui, ouais. Oui, je m'excuse, monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. C'est qui? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Je l'ai déjà dit à votre femme. Je m'en bats les couilles, donne-moi ton nom de famille. Toff, monsieur. Donne-moi ton nom de famille. Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Non, ça c'est un pseudo, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi, en fait. Je veux juste savoir si vous arrivez à faire jouer votre femme par la pénétration, monsieur. Ça t'avancera à quoi de savoir ça, connard? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur, parce que pareil, qu'il y a très peu de femmes qui y arrivent, et du coup, je voulais voir si la vôtre, elle y arrivait. Ferme ta gueule, mais tu t'es pris pour qui? Tu t'amuses? Bah, non, je m'amuse pas, monsieur, je vais te poser une question. Réponds à ma question maintenant. Bah, non! Est-ce que tu t'amuses? Bah non, je m'amuse pas, monsieur. Moi, je vous appelle pour vous poser une question. Oh non, monsieur, non, arrêtez. Pas de ça entre nous. On va te trouver, tu sais quoi. Si tu viens de Paris ou pas loin de Paris, je vais te trouver vers hier. C'est sûrement ça, par là-bas. Je vais te trouver. Non, je suis de Paris, monsieur. Je suis dans le 16e. Je vais couper ta bite. Je vais te la faire bouffer, fils de pute. Non, monsieur, non. Pas de ça entre nous, monsieur. Ferme ta gueule, enculé, t'es mort. Non. Ferme ta gueule, rappelle pas, fils de pute. Bah oui, mais répondez à la question alors, monsieur. Ferme ta gueule. Non, monsieur, arrêtez, pas de ça entre nous, ça se dit pas. Il est sympathique, il veut te faire bouffer la bite, dis donc. C'est trop sympa. Ma foi, oui. Bon, on rappelle. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Bon, écoute, je vais te dire, je suis fils de gendarme, je vais retracer ton numéro. Oui. On va rigoler. Ok. Mais je vous donne mon numéro si vous voulez, monsieur, hein, ça ira plus vite. Bah, je vais venir chez toi, tu verras ce qui va se passer. Mais vous voulez. Tu vas moins jouer au rigolo, petit bonhomme. Mais je joue pas au rigolo, monsieur, je vous pose une question, c'est vous qui répondez pas. Enfin, attendez. Mais de où déjà tu as mon numéro ? Déjà, de une, on se connaît pas. De Paris, monsieur. De deux, t'as pas à me parler, t'as pas à me poser des questions comme ça. Bah, tu te crois où, là ? Tu te crois où ? Tu te crois intelligent, là ? Avec tes questions à la con, là ? Hein ? Attends, dites pas ça, monsieur, ça se fait pas, c'est pas gentil. Mais ferme ta gueule. Non, monsieur, arrêtez. Tu parles là de quoi là ? Tu racontes quoi là ? Bah, moi, c'est rigolo. Oh, écoute-moi bien. Mais je fais que ça, monsieur. Si je te tombe dessus, ça va aller mal. Carrément, tu racontes des trucs fous là au téléphone. Mais je vous raconte pas un truc fou, monsieur, je vous pose juste une question. Oh, va niquer ta mère. T'as compris ? Enfin, monsieur, pas de ça entre nous, monsieur. Rappelle-moi, ça part en couille. Mais pas du tout, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça, répondez à la question. Allô ? Mais c'était pas la peine de préciser, on s'est bien rendu compte que ça allait partir en couille. Hein. On va rappeler encore une fois. Tiens, allez. Monsieur a l'air très gentil. On est bien accueillis. Oh, c'est dommage, ça allait partir en. Vous êtes bien sur Bouygues Télécom. On est chez Bouygues Télécom. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, pas tant pis parce qu'on est chez Bouygues Télécom. Hein. Tant pis parce qu'il décroche plus. Je n'ai rien contre Bouygues Télécom dans l'absolu. Bon, c'est pas grave. Si vous avez notre numéro de téléphone, envoyez-les sur le mail de Tof. C'est toph@energie.com. Vous envoyez. Nous, on appellera d'ici trois quarts d'heure de nouveaux numéros. On va également jouer au jeu des chips et les lettres. Oui. Oui. Ah. Si vous voulez jouer avec nous au chips et les lettres, Tof avec des chips en bouche, bien entendu, va tenter de vous faire deviner des mots. Vous en trouvez, vous gagnez. C'est pas compliqué. Si vous voulez vous inscrire, vous envoyez simplement Michael espace chips et votre numéro de téléphone au 612, même numéro pour la France et la Belgique, ou vous appelez Seba au standard, ça le fera travailler un peu, ça le changera. 01 40 71 5000. Voilà. Allez, 1h51, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. Cherchez pas sur les autres radios, il n'y a pas d'émission comme ça. C'est que de l'hardif ou de la musique. Voilà. Bah nous on est là tranquillement et justement on va se faire une petite pause avec le son de Ken Jones maintenant sur Énergie. Bonne nuit tout le monde. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, he gon' say, hey. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she f*** me like she Haitian. black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Allez, bonne nuit tout le monde. Il est 1h54, c'est Mickaël sur Énergie. Être à l'aise. Ne se soucier de rien. Profitez du moment présent. Ne se soucier ni d'aujourd'hui, ni de demain. Être tranquille. C'est ça, Mickaël, sur Énergie. Être en paix et être tranquille. Tous les soirs, de minuit à 4h. Bah alors, venez débarquer, hein, justement, 1h54. Il y a Marine qui dit, passons une superbe soirée avec Mickaël. Bah, merci à toi, Marine. Et gros bisous et bienvenue aussi. Et à Boubacar aussi. Je kiffe bien Mina, Tof, le loser. Continuez, les gars. Je vous écoute tous les soirs en rentrant au boulot. Du boulot, pardon. Bah, merci beaucoup. Merci en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je m'inquiétais de savoir où était Polo. Alors soit il dort, soit il chie. Ou les deux en même temps. Ou peut-être qu'il s'est endormi sur les chiottes. Peut-être qu'il s'est endormi sur les chiottes également. Effectivement, c'est une possibilité. Il y aura le son de LP dans quelques minutes sur Énergie. Je vous mettrai aussi Martin Garrix. Et à Londo. Son préféré de Polo là qu'on va. Ah, mais il est justement de retour. Tiens, parfait. Oui, je suis là. Et puis attention, peut-être le double hit avec l'iPhone 7 à gagner. Ah. Si derrière le son de 21 Pilots, vous entendez le son de Nash. Bon, ça c'est 21 Pilots évidemment. Et bien, si vous entendez les deux sons enchaînés, iPhone 7 à gagner, le jeu PS 2017 sur PS4 et aussi des places pour le concert de 21 Pilots en concert avec Énergie à Paris. Et bien, vous avez envie de jouer, c'est facile. Dès que vous entendez les deux sons, vous envoyez Mickaël et votre message, enfin Mickaël espace double comme double hit, et votre numéro de téléphone au 6 11 12. Attention à bien jouer après le deuxième, après la fin du premier son, hein. Si, pour savoir s'il y a le deuxième, faut attendre que le premier termine. Donc bah oui. Commencez pas à vous inscrire dès le premier son, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que si jamais il n'y a pas de jeu, vous aurez envoyé des SMS pour rien. Normal, ça tombe sous le sens. Ouais, c'est logique. Mais j'ai l'impression de pisser dans un violon, parce que chaque fois qu'on fait le truc et qu'il n'y a pas le double hit, il y a des gens qui s'inscrivent dès qu'on passe le premier. Non, mais t'énerve pas. Mais on m'énerve pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas de violon. C'est qu'on n'a pas de violon, t'as remarqué aussi, c'est vrai. C'est oui, c'est vrai. Bon, on va faire le chip, c'est les lettres dans quelques minutes. Si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000 ou alors par SMS, Mickaël et votre message au 612. Même numéro pour la France et la Belgique. En attendant, il y a David qui est avec nous maintenant. Ah oui, salut David. Salut. Comment ça va? Bon, impeccable. Eh ben, impeccable, alors tant mieux. Hein. David donc qui voulait réagir par rapport, aux Philippines, hein, où il est interdit de se curer le nez, hein, sous peine d'être emprisonné. Enfin, en tout cas d'avoir une amende, oui. Parce qu'apparemment c'est mauvais. Je ne pourrais pas aller. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'apparemment c'est mauvais pour l'image des Philippines, justement, de se curer le nez. Donc du coup, je voulais savoir si vous aviez comme ça des salmanilles, genre vous curez le nez, genre mettre votre pouce en bouche. Il y en a plein qui ont cette manie. Hein. Ouais, c'est vrai. Même plus âgé d'avoir le pouce en bouche, c'est bizarre. T'as quoi comme manie, Tof, à part le curage de nez? Je crois que c'est ma pire manie, c'est le curage de nez quand même, hein, parce que en fait, je supporte pas d'avoir un truc qui me gratte dans le nez. Donc Amina qui fait souvent là, parce que l'année dernière, il faisait souvent la route avec Polo et Tof. Maintenant, il y a Amina qui s'est incrustée. Est-ce que t'as déjà grillé le curage de nez ou pas? Non, franchement non. Parce que en fait, tu fais pas gaffe alors, hein, parce que je pense que c'est mon plus gros tic. Hein. Non mais je t'aime beaucoup, mais je ne te fixe pas constamment. Non mais faut pas me fixer. Hein. Faut pas fixer, non, c'est vrai. Non, franchement, j'ai pas fait gaffe. Hein. Mais maintenant, ouais. Que je vais peut-être analyser, ouais. Bah, tu analyseras. Je vois manger, je vois boire. Ah, mais voilà, tu vois manger, donc c'est ça. Tu l'as déjà vu squirrelner parce que il mange également c'est ah bah oui c'est le meilleur pour récupérer il y a de la prote hein. Bah, attends si t'as pas le petit goût salé après de la crotte de nez ça n'a pas d'intérêt. Ah mon dieu. C'est de la prote salée. Bon et David du coup toi t'as quoi comme vilaine manie enfin vilaine. Oui comme bah manie, moi j'ai pas de vilaine manie mais je pensais à un truc. Dis-moi. Le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Il est pas dans la merde, il va en Philippines. Ouais ouais putain lui c'est quand même violent. Je sais pas si vous vous souvenez quand il y avait la Coupe d'Europe, le mec se mettait les mains sous les aisselles puis il sentait ses aisselles, il mettait sa main au niveau de sa bite mais à l'intérieur du pantalon et après il allait serrer la main des autres, c'était dégueulasse. Le cul aussi et il sentait pour voir ce que ça sentait. Quand t'as parlé de ça justement, j'ai dit non mais attends l'autre lui il prend perpète le le Joachim là. J'avoue ouais, Joachim Löw exactement, c'est lui l'entraîneur enfin le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. La Mannschaft. Ah, ouais, elle fait peur. C'est vrai que c'est pas con ce que tu dis qu'on a tous des trucs parce que moi je suis beaucoup sur la route, énormément de nuit mais un peu de jour. Ouais. Et moi quand je me fais chier dans mon camion comme tous les routiers, on regarde un peu à droite à gauche. Et on pue la piste. Et réellement, je crois que les Français, il y a un problème. Hein. Tout le monde c'est pas les Français. C'est pas que les Français, non. Tu sais, t'es dans ta bagnole, t'es pépé. Mais en fait, le plus violent, c'est quand même les femmes, moi je trouve personnellement. À chaque fois que j'en vois, elles sont. Normalement, une femme, c'est discret, c'est un vrai souci. Mais non, mais il faut pareil. Mais non, mais ça, c'est le. Non, mais mec, c'est quand t'es en maternelle que tu penses que c'est des princesses. Ça chie une meuf, mec. Réveille-toi. Ça chie, ça pète, ça rote. Ça dit va te faire enculer, etc. Hein. Non, mais c'est vrai, attends. Non, parce qu'il y a plein de mecs comme ça, on en a connu, hein, qui prenaient les meufs, tu sais, pour des petites princesses, tu sais, genre. Il était choqué si une fille pétait, quoi. Ah bon, comment elle est. Ah, les filles, ça pète. Bah oui, c'est une pression sociale sur les meufs, c'est abusé quand même. Oui, ça peut se finir chez les flics. Ah, oui, personnellement, ma propre femme, quand elle va aux toilettes, je baisse le son, j'attends d'entendre le bruit. Hein. Ah non, quand même pas. Non, après, t'évites le bruit quand même. Moi, je tape des fous rires. Non, mais c'est pas drôle. Non, t'évites le bruit quand même, mais après, ça existe. Pour la femme, mais pour moi, c'est rigolo. Les reines des sous-marins, les femmes, elles mettent des parachutes à chaque crotte. T'es obligé d'éteindre le son pour voir si elles font le même bruit que toi. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, en tout cas, c'est juste pour faire ça, pour parler de Joachim Löw. Bon, bah écoute, t'as bien fait. Le dingue du curage de nez. Ça c'est bon. Et puis j'ai pensé à Toff hier. Vas-y. J'ai pensé hier à Toff. Toff, je suis désolé. Hein. Non, mais je t'en prie. J'ai vu le reportage sur ton lieu préféré. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un pote à moi qui m'a envoyé le lien. On pour sait. Rigoler. Attends, tu as joué. La piscinière. Je savais. La piscinière. Oh, mais attends, mais c'est. On en a. Oh, ça fait des années qu'on en parle. J'ai pensé à Toff. Ah oui, c'était passé sur M6. C'était passé sur M6 dans. C'est François Région. Ouais, François Région. Non, moi, j'ai vu sur M6. Alors, c'est qu'ils l'ont rediffusé après. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était sur M6. Enfin, peu importe. À la limite, c'est pas le débat. Et effectivement, c'est. T'as jamais vu. Bah, non. Bah, moi, je connais. Non, pas mais attends, je t'envoie le lien immédiatement. Ah, ouais, mais attends, il faut que tu vois le lien de la fistinière. Non, mais ça me fait peur. Rien que le nom, c'est un truc un peu bizarre, non? Non, pas du tout. Alors, c'est un endroit très recommandable. Ah, ouais, t'inquiète pas. Oh merde. C'est un endroit magnifique. Bah, franchement, on va t'envoyer. Alors, attention, on t'envoie le lien. Alors, vidéo intégrale. Tu me promets de regarder jusqu'au bout. C'est passé sur France 3 et M6, donc c'est pas pornographie, quoi que ce soit, on est d'accord. Je t'envoie ça immédiatement. Bah, c'est passé sur France 3 et M6, ça peut pas être du porno. Bon, je m'engage à regarder jusqu'au bout, mais voilà. Si c'est choquant. Non. C'est. Comment dire ? Il faut prendre ça comme de la culture. Ah oui, évidemment. J'imagine rien que le nom déjà. La fistinière. C'est où ça ? Ah, faut être ouvert d'esprit. Je sais plus. Attends, je vais te donner l'adresse. Ouais. Non, mais c'est pas nécessaire. Quoi, tu veux y aller ? Elle veut s'inscrire. Bon, merci David. Bah de rien, merci à vous, en tout cas c'est cool, je passe une bonne soirée avec vous. Bon bah tant mieux alors, merci à toi, à bientôt. Je me tape Koé, je me tape Guillaume et je me tape vous jusqu'à 5h. Fais gaffe parce que quand tu dis tu te tapes, ça non, on a... je me tape à la radio. Non, mais j'ai compris, mais ça fait quand même, c'est assez péjoratif dans le sens où on a l'impression que ça te fait chier quoi. Non, j'écoute. Ah bah voilà, c'est mieux. Bien sûr que non, je vous écoute depuis 2 ans là. Bon bah d'accord, ok. Ça marche. Bon, merci David, passe une bonne nuit en tout cas, merci. Merci à vous et puis bah continuez, on tape des bonnes barres avec vous. Eh bah c'est le principal. Salut David, à bientôt. Allez, bonne soirée les gars. Ciao à toi. Message qui est arrivé. Où est-ce qu'il est celui-là ? Je suis routier un matin, j'ai vu une femme se raser le minou, on était dans les bouchons. Bah oui, écoute, faut bien passer le temps. Hein, il n'a pas eu le temps. Bah voilà, c'est ça. Hein. Ma pire manie, c'est de toujours me remettre la bite à droite dans mon slip. Ah, il y en a qui ont ça, moi c'est pas un problème. Enfin. Ouais, non. Je sais pas. C'est bizarre. Ou alors c'est sous-entendu, genre elle est tellement grande que je suis obligé de la remettre à droite. Oui, bah oui. Alors qu'on sait tous que quand un mec bombe pas la bite, elle peut faire 2 cm. Hein. Bah oui. Faut pas s'alarmer, hein, vous inquiétez pas. Bon, 0140 71 5000, si vous voulez passer en direct, vous nous appelez, c'est pas plus compliqué que ça. On va d'ailleurs se faire dans un instant le jeu des chips et les lettres avec Julia et Laurie qui vont jouer avec nous. Ça, c'est cool. Et dites-nous si vous avez des sales manies justement, ou si vous connaissez des gens avec des sales manies, ça peut être drôle, on peut en parler. 01 40 71 5000, depuis la Belgique, c'est le 02 703 0071. Dans les deux cas, c'est un numéro local, c'est pas surtaxé, c'est ça que je veux dire. Allez, on vous accueille juste après le son de LP. When you get older, plainer, saner, will you remember? Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Martin Garrix à suivre dans quelques minutes sur Energy. Martin Garrix, c'est ça. Hein. Il y aura aussi le son d'Alonso, je l'avais promis. Et 21 Pilots. Ce qui veut dire qu'on fera peut-être le double hit Energy, avec l'iPhone 7 à gagner, le jeu FIFA 17 sur PS4 et les places pour le concert de 21 Pilots à Paris avec Energy. Dès que vous entendez 21 Pilots et Nash, enchaînez. Dans un sens ou dans un autre, hein, peu importe. Vous envoyez, si ça se passe dans mon émission, évidemment, Mickaël, espace double, espace votre numéro de téléphone au 6-11-12. Bonne chance. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01-40-71-5000. Eh ouais, et on va se faire maintenant le chips et les lettres. Chips et les lettres. On fait des stories Insta ou pas? Bah oui. Eh bah très bien, voilà, ce sera filmé en petite story sur Instagram si vous voulez me rejoindre sur le... sur Instagram. Et faites gaffe parce que j'ai tapé Mickaël officiel tout à l'heure, je tombais sur 15 faux comptes. Ouais, je ne savais même plus où était le mien. Donc en gros, pour bien voir où est le mien, c'est celui où il y a le plus de, d'abonnés. Il y en a 45 ou 50 000, je ne sais plus. Donc voilà, vous abonnez pas à des faux comptes où il y a genre 50 personnes, même 1000 personnes. Voilà, c'est que vous allez vous abonner à des faux comptes et j'ai vu qu'il y avait quand même... Il y en a un où il y a quand même un faux compte avec 1000 abonnés. Ça fait peur quand même, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde sur ces faux comptes, quoi. Donc, oui, mais il faut regarder le contenu aussi, les fautes d'orthographe, tout ça. Ah oui, oui, oui, oui, oui, évidemment, ouais. Donc voilà, donc faites attention quand même. Donc c'est M-I-K-L officiel. Vérifiez bien que le compte soit bon, évidemment, sur Instagram pour regarder la story avec Tof qui va se faire donc les chips et les lettres. Bon, on va jouer avec Laurie qui est avec nous maintenant à Belfort. Salut Laurie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien, ça va bien. Bon Laurie, t'appelles de Belfort et du coup Seval nous a mis deux joueurs, donc bon exceptionnellement on va faire un battle. Pff, pourquoi pas. Salut Julien à Saint-Brieuc, comment ça va? Ça va, ça va, salut à tous. Salut, salut, comment allez-vous tous les deux? Bon bien ma foi, motivé. Bon bah tant mieux. Bon Julien, Laurie, bon d'habitude on fait un auditeur contre tous les autres auditeurs. Bon ce soir on va un peu changer, on va faire Julien contre Laurie, voilà, pour varier les plaisirs, voilà. Alors, Laurie, tu vas donc, tout comme Julien, Vous allez devoir être bien attentif à ce qu'il va se passer, à ce que Toff va essayer de vous faire deviner comme mot. Donc c'est les chips et les lettres. Il va avoir des chips en bouche et il va tenter de vous faire deviner des mots. Celui qui arrive à en trouver au moins 3 gagne. D'accord ? Ok. En gros, le premier arrive à 3 a gagné. Globalement, c'est ça. Bon, on y va. Julien, Laurie, c'est parti. Vous pouvez aussi jouer si vous voulez sur SMS, par exemple. Mickaël et votre message au 6 11 12. C'est le même numéro pour la France et pour la Belgique. Alors attention, on y va. Voici donc le premier mot à découvrir. Laurie, Julien, écoutez bien. iPhone. Bonne réponse, Julien. Oh là, pas mal. One point. Laurie, tu peux jouer, hein? Oui. Très bien. Voici donc le deuxième mot à découvrir. Même c'est, par SMS, il n'y en a même pas eu un qui a eu le temps de dégainer. Bon, deuxième mot à découvrir, c'est parti. Julien, Laurie, le chips et les lettres, on y retourne. Mango. Quoi ? Mango. Mango. Articule ! On ne peut pas faire un peu plus de mango. Je comprends rien. Mango. Julien, Laurie, vous pouvez proposer, hein ? Mango. On dirait qu'il dit rien, gros. Vélo. Non, qu'est-ce que ça dit, Laurie? Lago. Lago, bonne réponse. Bah oui, bah voilà, Laurie. Hop là, un partout. Nickel. Alors, toujours filmé sur la story Instagram, hein, sur oui. M-I-K-L officiel. Et en plus, ça, on a une caméra girl de grand luxe. Hein. Oh oui. Oh là très cher. Et très talentueuse. Vous allez pouvoir voir tous les travers. Bon, on y va. Attention, mot suivant à découvrir. Julien, Laurie. Eh, je n'ai pas demandé, tiens, c'est quel goût les chips aujourd'hui? Comment? Pickles. Ah, pickles flavor. Ok. Voici donc le troisième mot. Julien, Laurie, on y va. Parapluie. Oh, facile. Parapluie. Ah non, parapluie. Bonne réponse, Laurie. Putain, j'ai cru qu'on allait avoir la légalité, mais non. Julien a dit un parapet. Bah non, c'est pas un parapet. C'était pas loin. Eh bah ouais. Mais du coup, Julien, t'as mis le premier point. Mais attention, Laurie était en embuscade là. 2-1 pour Laurie. Si elle trouve le dernier mot, c'est gagné, Laurie. Sinon, ce sera à nouveau l'égalité parfaite. Voici donc peut-être le dernier mot. C'est parti. On avait trouvé lingot aussi par SMS. Hein. On proposait oiseau également, McDo, tout ça. C'est pas ça. Si vous avez une idée aussi, Mickaël et votre message au 612. On y va. Gameboy. Quoi? Gameboy. Gameboy. Gameboy, bonne réponse. Bravo, Laurie. Bien joué, Laurie. Ah, c'est cool. Et Laurie qui est en embuscade comme ça, hein. Pas mal, ouais. Elle était planquée là, hop là, derrière la gueule de Toff. Et finalement, ben voilà, elle a réussi à revenir. Menée de 1 point, bam! Elle en a mis 3 dans la gueule de Julien là. Eh oui. Et ben voilà, Julien, t'as été un sac à merde. Ah ouais. Ah ouais, on peut pas assurer tout le temps. Ah bon, enfin bon, là t'as pas assuré tout court, hein, Julien. Ah ouais, ouais, bah oui, tu t'es fait battre quoi, Julien, quand même, Julien! Bon, Laurie, bravo à toi. Bah merci. Tu retournes chez Seba au standard, on va prendre tes coordonnées. Et Julien, bah tu retournes chez ta mère, les mains vides. Le pauvre. Bah ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Salut Julien. Ouais, c'est la vie. Bah oui. Je peux faire une petite dédicace vite. Allez, vas-y, vas-y. À tous les tchous, tous les routiers de la night. Ok, message passé, pas de problème. Salut Guillaume, salut Julien, salut Laurie. Et salut, Guillaume qui arrivera après. Salut, salut. Et bah, si vous voulez jouer aussi au jeu des chips et lettres ou à d'autres jeux, hein, on en a plein. Des jeux, notamment le nouveau jeu des 10 mots. On a trouvé le nom, ça y est, c'est fait. Ah oui. Le jeu des 10 mots, on fait ça dimanche soir. Si vous voulez jouer avec nous, et bah, vous pouvez évidemment dès maintenant vous inscrire. C'est sur le mail de Seba au standard, seba@energie.com ou directement en l'appelant 01 40 71 5000. On va récupérer, on va prendre Mehdi dans un instant dans l'Oise et Brian également pour parler de toutes les manies que vous pouvez avoir justement en rapport aux Philippines où on peut avoir une amende si on se cure le nez parce que c'est mauvais pour l'image des Philippines. Du coup, je voulais savoir si vous aussi vous aviez des petites manies comme ça à la con. Venez nous en parler au 01 40 71 5000. Salut les gars, il paraît que la piscinière a fermé. Dédicace à Gros Chibron, c'est Maxime. Oh non, déception. Oh, toi, fais déçu, hein. Son endroit préféré. Non. Oh putain. Mais non, le site il est toujours ouvert, j'en avais dessus. Bah le site ouais, mais est-ce que ça fonctionne encore? On a appris un truc avec la fistinière, c'était dans ce reportage, c'est que pour bien fister, il faut avoir été fisté. Et ils se mettent des boules de pétanque dans le trou. Tu verras, je ne raconte pas tout. Oh. Ça donne envie, hein. Ça, c'est, pour, c'est propre. C'est pas pornographique. Non, c'est pas pornographique. Non, bah non. Rien. Mais non, mais juste attraper le tétanos, c'est génial. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je te parle de la diffusion. Je dis, ça a été diffusé sur France 3 et M6. D'ailleurs, pétanque dans les fesses. D'ailleurs, ils te le vendent bien. Le lieu convivial qu'il te faut pour te laisser aller et prendre ton pied en toute tranquillité. Ah, bah oui, c'est chaleureux. Bah écoute, ce que je propose, c'est qu'on se cotise dans l'équipe. On envoie Amina. On envoie Amina tout frais payé à la fistinière. Et bien, Toff s'engage. Bah parfait. Parce que c'est cher en plus. Sous réserve. Non, mais le transport, c'est où, Toff, la fistinière? Enfin, c'est dans le 18. Tu nous feras des reportages avec ton petit Nagra. Oh, bah voilà. C'est un petit enregistreur. La blague. Mais ouais, où tu feras des extraits. Non, tu fais des stories sur Insta. Mais je vais faire un malaise. Non, ça a l'air mignon et tout, franchement. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est beau. Oui. Ça doit pas du coup sentir le cul à 1000 km. Ah, tu vois, là, on est pas mal. Pour les chambres, tu as le choix entre l'écurie, l'étable, la bergerie, la porcherie ou le grenier. Et il y a la chapelle fistine. Ah oui, la chapelle fistine. Mais tu ne loges pas dans la chapelle. Ah, dommage. Et toi, viendras avec des caméras, des drones et tout ça. Ah bah oui, il y a des petites chambres sympathiques et tout. Il sortira la raid. Mais mettez-moi une GoPro sur le front tant qu'à faire. Et ben voilà, bien très bien. Bravo. Et ben merci pour j'ai bien ça. Une vanne, mais c'est un peu vulgaire. Bah oui. Ça y est, j'ai compris. On verra mieux ailleurs si on mettait la GoPro manie, à l'autre endroit, quoi. Bon, on en parle après Martin Garrix. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Allez, on est en direct, on est sur Énergie, il est 2h17, soyez les bienvenus. Toutes les nuits jusqu'à 4h, c'est Mickaël sur Énergie. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Mickaël officiel. Voilà, tout simplement, vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Il y a une iPhone en plus à gagner sur le Facebook de l'émission. Si jamais vous voulez tenter votre chance, c'est facile et gratuit en plus. On tirera au sort dimanche soir entre 20h et minuit. Vous venez nous rejoindre maintenant sur la page Facebook. Vous faites un petit like, c'est Mickaël officiel, tout simplement. On va... avant de se faire les appels mal intentionnés, prendre Brian qui est avec nous maintenant. Salut Brian. Coupe ta radio Brian. Ariel. J'entends. En double, oui, c'est normal. Bah, coupe ta radio. Et bah, tu nous entendras mieux si tu coupes ta radio. Bah, Brian, bon, tu nous reprendras après. Enfin, on t'en reprendra après. Mehdi qui est avec nous dans l'Oise. Salut Mehdi. Oui, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquillement. J'ai un peu vécu ce que vit Polo dans le Polo Show, tiens, pendant deux secondes. Ça doit être chiant. Bon, alors Mehdi, tu voulais réagir toi par rapport aux manies. Est-ce que t'as des manies justement? Raconte à Paul. Oui, bah c'est juste ça en fait. Bah en fait, j'ai un petit souci en fait avec mon sexe. C'est le prépuce en fait. À chaque fois, j'essaie de le remettre en place pour que mon gland il respire. Quoi? Tout le temps. Bah, enfin la peau qui, enfin comment on appelle ça, la peau qu'il y a sur le gland. Ouais. À chaque fois, ça me gêne, je suis obligé de la remettre en place. C'est marrant ça quand même, enfin c'est marrant. Ouais, mais ça me gêne, parce qu'en fait, moi je suis un mec, j'ai été circoncis à la naissance en fait. Et cette manie-là m'est arrivée depuis, ça fait peut-être 5-6 ans depuis que j'ai grossi en fait. En fait, je fais 1m70. Ouais. Je faisais 70 kilos à l'époque et maintenant j'en fais 95. D'accord. Donc le pubis a grossi. Ah non, ce n'est pas possible. Le pubis, il n'y a pas de graisse dedans. C'est un corps spongieux et caverneux. Ouais. Normalement, ça grossit pas. Ouais. Tu peux grossir autant que tu veux. Non, mais c'est pas possible. Parce que sinon, t'inquiète pas que Toff, il ferait tout pour faire 150 ou 180 kilos. Bien sûr, je ferais 200 kilos pour avoir un sexe énorme. Ouais, c'est ça. Normalement, ça grossit pas, mais peut-être qu'il a grandi avec l'âge. Ça, oui, ça d'accord. Non, parce qu'en fait, mon pubis, il a grossi. Donc, mon sexe, il a rétréci. Donc, ça fait de la peau sur le gland. Enfin, normalement, quand t'es circoncis, la peau le repousse pas. Non, c'est jamais. Enfin, c'est chelou. Peut-être que t'as une sorte de malformation et qui fait que ça arrive chez toi. Hein. On dit pas que tu mens, mais c'est juste bizarre. Non, vous avez pas compris en fait. Parce qu'en fait, mon sexe avant, il était normal, comme il est circoncis. Ouais. Mais quand j'ai grossi, en fait, le pubis, où il y a des poils, ça grossit. Donc en fait, mon sexe, il a rétréci. Et il y a la peau qui passe par-dessus le gland. Et à chaque fois, ça me gêne, je suis obligé de la remettre, mais je la remets au moins tous les 5 minutes. Ça me gêne vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas non plus. J'arrive pas à imaginer. Dans il un a grossi, il a rapetissé, puis tu mets la peau, puis il n'y a plus de peau. C'est un zizi magique. Ouais, non, mais tu vois, j'ai du mal à comprendre. Le zizi magique avec Christophe. Bon, essaye de réexpliquer, parce qu'on comprend mal, c'est possible, Christophe. Je sais pas, mais bon, vas-y. Bah, je vous réexplique. Bon, vas-y. Donc, j'ai grossi d'un coup en fait. En fait, à la base, je faisais à peu près 65-70 kilos. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai grossi, je suis passé à 95 kilos en 2-3 ans. Je connais ça. Donc voilà. Donc en fait, je suis circoncis à la base. Ouais. Et mon sexe, il a rétréci en fait. Parce que le pubis a grossi. Parce que j'ai pris du bide, tout ça. Mais la peau qui est. Où il y a la base de la bite, là, où il y a les poils, tout ça. Ouais, voilà, ouais. D'accord, c'est ça que t'as. Oui, d'accord, ok, très bien. En fait, oui, c'est ça qui a gonflé. Donc ta bite, elle n'a pas rétréci. C'est juste qu'en fait, elle est toujours. La base est toujours au même endroit. C'est juste que t'as la peau qui est passée par-dessus. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. D'accord. Voilà, c'était mal compris. Oui, non, mais voilà, mais comme tu dis, ma bite a grossi, a rapetissi. Non, en fait, c'est juste que c'est ce qui est autour qui a pris plus de place. Résultat, bah, ta bite qui fait toujours la même taille, bah, forcément, elle est noyée dans la graisse. Elle est noyée, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, à la vue, mon sexe a rapetissi, en fait. Oui, à la vue, je suis d'accord, ouais, d'accord, ok. Très bien. Voilà, et donc, tu fais quoi? Donc, en fait, la peau, elle me cache le gland. Ouais. Ça me gêne. Mais à ce point-là, mais attends, mais elle fait combien de centimètres ta tub? Elle fait 3 centimètres ou quoi? Non, bah à la base, en érection, elle fait 16. D'accord. Mais sinon, quand elle est en érection, à la base, elle a été toute petite. Bon. Donc, avec la graisse, donc c'est encore pire. Donc, en fait, elle passe par-dessus le gland. Donc, à chaque fois, je suis obligé de remettre la graisse pour que mon gland, il respire. Pour que mon gland il respire. Mon gland respire, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr, toujours. Merci, mon gland. Ben voilà, et le gland est en top, bien entendu, hein, dans ce cas particulier. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, du coup, tu dois faire ça. Mais comment ça pour que ton gland respire? C'est un toc alors? C'est pas que c'est un toc, en fait, ça me gêne quand il y a la peau sur mon gland, en fait. C'est ça qui me gêne. D'accord. D'accord, parce que la peau passe par-dessus. Ouais, mais pourtant, quand t'es circoncis, normalement, t'as le gland est moins sensible. Puisqu'il est toujours à l'air libre. Paraît-il, mais après. Oui, pareil, après. Oui, non, c'est pas ça. C'est depuis que j'ai grossi, en fait, la peau elle passe par-dessus le gland, comme mon sexe est rétréci. Oui, oui, non, mais ça, j'ai compris, du coup. Donc, c'est pas un tic, en fait. C'est, ça me gêne tellement que je suis obligé de à chaque fois de mettre ma main dans ma poche pour le remettre à sa place. Bah, écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois. Après, c'est pas grave. C'est pas le plus grave. Enfin, oui, c'est pas plus grave, mais c'est super chiant. Oui, je suis d'accord, mais ça, je peux comprendre. Parce qu'en fait, mon sexe, il rentrait tellement dans la peau que... Je vais t'expliquer. En fait, mon sexe, je pourrais même le rentrer dans le pubis. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, si c'est le pubis ou je sais pas quoi, la peau qui est au-dessus. Non, le pubis, en fait, c'est l'espèce de truc qui est devant, tu sais, l'os, là. Ouais. Devant la bite. La plaque, il y a la bite. C'est très gênant parce que tu le touches en même temps. Bah oui, parce que oui. J'avoue. C'est ouais. Pour que tu comprennes bien de quoi il parle. Oui, merci. Ouais. C'est vrai que j'avais pas capté. C'est compliqué à vous dire. En fait, c'est simple. En fait, mon sexe, je peux le rentrer dans la peau. D'accord, donc, oui, parce qu'il y a trop de gras, d'accord. Non, mais ça, on a compris. Ça, il n'y a pas de, voilà, pas de problème. C'est ça, c'est une gêne, en fait. Bah ouais, mais bon, bah, il faut faire. Mais pourquoi tu fais pas régime? En fait, t'as grossi à cause d'un problème, une maladie éventuelle, ou je sais pas quoi, ou c'est juste parce que tu manges trop, enfin, tu manges mal? Non, j'ai grossi comme ça d'un coup. D'accord. Enfin, je suis pas gros non plus. Je suis normal. Mais j'ai pris beaucoup de bide. Ouais. Et avec le bide, bah, le pubis, c'est la gonflée, c'est ça, en fait. Bah ouais, forcément, ouais. Bon, attends, bouge pas, il y a aussi. Bon, Brian, t'as coupé ta radio ou toujours pas? Non, je vous entends, d'où? Oui, je l'ai coupé. Ah bah voilà, à la bonne heure. Voilà, j'entends mieux. Eh ben nickel. Bon, alors, raconte un petit peu, c'est quoi tes manies, toi? T'en bouges pas, Mehdi, hein. C'est quoi tes manies, Brian? Ah bah, moi, c'est ce qu'on appelle ça, battre de l'aile. Donc, c'est une manie assez un peu bizarre, voilà. Et quelle explication derrière? Je m'attendais à ce que tu nous expliques quel était. En fait, tu prends pour un pigeon parce que battre de l'aile, c'est quoi le délire? T'as une aile? Ah, mais non, mais c'est le délire, c'est battre des bras. Ça fait un bruit assez bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. Ah, ça, c'est emmerdant dans la radio, hein. Parce que du coup, c'est pas très pratique. Ouais, parce que là, du coup, tu peux pas nous expliquer ce qui. Si, tu mais ça peux fait pas du nous bruit. Expliquer, c'est emmerdant. Quand tu bats des bras. Ouais. Ça fait du bruit. Ouais, mais quoi, toi, t'es en train de. Tu nous expliques que t'es en train de. Tu lances tes bras et. Oui, voilà. À peu près ça, oui. Mais c'est un toc, ça, c'est pas une manie. Oui, c'est plutôt un toc. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Oui, c'est un toc, ouais. Mais là, malheureusement, c'est psychologique, hein. Enfin, je pense qu'il faut aller. Brian, en fait, t'as coupé la radio pour mettre le haut-parleur. Ah bah non, ouais, c'était mieux. Personne ne m'a dit d'aller consulter un médecin. Bah si, regarde, voilà. Je viens de le faire. Bah si ça te gêne. Non, mais il en... Pardon ? Non, en fait, Brian, le problème, excuse-moi, c'est que t'avoir dérangé. Tant que t'as la radio allumée ou le haut-parleur du téléphone, à chaque fois, il va y avoir un écho et tu vas répondre avec 2 heures de retard parce que tu vas d'abord attendre que tu t'entends parler dans la radio pour répondre, ce qui fait que du coup, va y avoir un espèce de cercle vicieux où on va toujours tous parler en retard. D'accord, ouais, mais là, j'ai coupé ma radio. Oui, mais le haut-parleur est toujours là, parce que du coup, c'est pour ça. Ah, tu sais quoi, attends, bouge pas, Brian. On va te laisser, tu vas raconter l'histoire dans le polo show. Reste un petit peu là, on va te reprendre juste après, du coup. Mehdi, encore un truc à ajouter? Oui, je voudrais savoir une solution. Est-ce que je pourrais me faire opérer pour me faire enlever le pubis pour pas que ça me gêne, en fait? Ça, j'en sais rien, il faut demander à un médecin. Moi, je suis pas médecin. Le pubis. Bah, oui. Le pubis, c'est un os. C'est que t'as dû avoir du gras entre le pubis et la peau. Et je touche à chaque fois. Oui, c'est ça, en fait. Et fais un régime. Non, mais en fait, j'ai fait le régime. J'ai maigri, mais le pubis, il est toujours gonflé. C'est le gras qui me gêne. Et bah, fais du sport, à mon avis. Ou alors, faut. Ou des massages du gras. Ou alors une opération. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le gras qui me gêne, en fait. Bah, alors, c'est peut-être une opération, la solution, je sais pas. Non, mais le fait de masser, c'est pas bête, hein. Parce que pour la cellulite et les trucs comme ça, genre tu te masses, ça s'appelle le roulé palpé. Le roulé palpé. Et ça te permet de casser les cellules graisseuses. En gros, tu te masses, ouais, quoi. Non, mais c'est ce qu'il m'avait dit, moi. En fait, je me suis déjà fait opérer des gynécomasties, en fait, sur les tétons, en fait. Et je me suis fait opérer, ils m'ont enlevé la graisse. D'accord. Et le pubis, par contre, là, c'est pas pris en charge, en fait. C'est pour ça, ça coûte super cher. Je me suis renseigné, ça coûte à peu près 3 000 euros d'opération. Que, en fait, la gynécomastie, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, en fait, c'est pour ça que je vais essayer de trouver une solution. Si c'est remboursé par la sécu ou je sais pas. Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Sincèrement, ça m'étonnerait. Maintenant, après, tu sais, il y a plein de trucs qui sont remboursés alors que tu penses que ça ne l'est pas et inversement. Donc, si vous avez déjà eu, si vous avez des conseils à filer, vous avez déjà eu ce genre d'opération, est-ce que ça l'est ou ça ne l'est pas remboursé, aucune idée. Maintenant, dites-nous 01 40 71 5000. Bah, du coup, Mehdi, attends 2 secondes, il y aura Thème aussi dans un instant. On va sur les appels mal intentionnés et on va d'abord s'écouter le son d'Alonso qu'on écoute maintenant. Tiens, 2h27, toujours au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie. Et puis, bonne nuit, merci d'être là. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Bonne nuit, 2h30, et on se fait les appels mal intentionnés. Tu réfléchis, tu te poses des questions. Pourquoi ? T'as mieux à faire ? L'heure passe, mais tu continues. Comment ? À quelle heure ? Tu réfléchis encore. Dépêche-toi, le temps passe. Mickaël sur Énergie. Mickaël, tous les soirs, de minuit à 4h. Grave, on est là, tiens, il y aura le son de 21 Pilots à suivre dans quelques minutes aussi. Et puis on va se faire les appels mal intentionnés. Maintenant, appel mal intentionné avec générique. Nique ta mère, fils de pute. Fils de pute. Le chat de la con de ta mère, la pute. Toujours dans la classe. Enculé. Oui. Ce bâtard. Oui. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Voilà. Bon. On va se faire les appels mal intentionnés donc, avec un sondage qui est sorti chez Top Santé. Les trois quarts des femmes n'arriveraient pas à jouir par la simple pénétration. Donc Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils y arrivent. Mais oui, allons-y. C'est parti, on y va, grâce au numéro, comme d'hab, que vous envoyez sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On y va, on appelle maintenant, c'est parti. Bon, en espérant qu'on ait du bon, du lourd, du gros, du gras. Bref, la totale. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Quoi cette musique dans le fond ? Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que votre femme elle arrive à jouir quand vous la pénétrez ? C'est quoi ? Est-ce que vous arrivez à faire jouir votre femme juste par la pénétration ? Mais tu me racontes quoi toi ? Bah, je vous raconte rien monsieur, je vous pose une question. Va te faire enculer, ce qu'est-ce qu'on va le poser à un PD comme toi. Mais non, je, ça n'a aucun rapport, monsieur. Moi, je veux juste savoir si, si votre femme, elle arrive à jouir quand vous la pénétrez, c'est tout. Allez, va rentrer. Va rentrer chez ta mère, va. Bah, j'y suis déjà, monsieur, chez ma mère. Eh ben, baisse ta mère, tu vas voir la chirache. Non, monsieur, non, pas de ça entre nous, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Écoute, va rentrer chez ta grand-mère, va. Ah, bah non, pourquoi vous voulez que j'aille chez ma grand-mère, monsieur? Je suis chez ma maman. Ah, il a raccroché, c'est dommage. Il était sympathique aussi celui-là, hein, d'entrée de jeu, hein. Oui, tout de suite, il m'a mis bien. Ah ouais, on rappelle. Non, il me décroche plus. Mais il décroche plus. 118-218, monsieur, tout ou YouTube. Eh, va amener que ça, vas-y, sois réponse. Vas-y, casse-toi, man. Oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Allô? Bon, il veut pas répondre à la question, a priori. Hein. Oui, mais on va le rappeler. Ouais, bah je te confirme, ouais, on va le rappeler encore une fois. Tiens, allez, c'est parti, on y retourne. Attends, bouge pas là. Allez. Ah, il est chiant, ami. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Parce que du coup, vous m'avez pas dit si vous arrivez à jouer, faire jouer votre femme juste avec la pénétration. Eh, moi j'ai pas de femme, je connais que des putes. Mais c'est trop, tu vois, je m'en bats les couilles, c'est une pute. Ah oui, d'accord. Et donc vous arrivez à la faire jouer ou pas juste en la pénétrant? Eh, toi, est-ce que t'as donné mon numéro là? 118-218, monsieur Toutou Youtou. Ouais. Eh ben voilà, c'est eux qui m'ont donné votre numéro. Tu veux quoi? Bah, juste savoir si vous arrivez à faire jouer votre femme par la pénétration, c'est tout. Ouais, tu veux que je te la ramène ou quoi? Non, si vous y arrivez, ça me va très bien. C'est une grosse pute. Ah oui, et ça marche alors, y a pas de problème. Ouais. Bon, bah parfait. Eh ben merci beaucoup, monsieur. Ah, il va te mettre à poil, Charlie, il va te mettre la banane derrière. Ah non, pas de centre, non, monsieur, enfin ça se fait pas. Ah, parce que t'as une voix, ça se voit que tu sais, c'est une pute. Oh non, monsieur, ça, non. Tu vois, je vais pas dire un PD, mais voilà. Non, ça se dit pas un PD, monsieur, c'est homophobe, vous avez raison, ça se dit pas. Voilà. Bon. Eh ben toi, c'est comment? T'as rien à faire, mets le doigt dans le cul. Bah non, moi j'aime pas trop ça, monsieur. T'aimes pas trop ça? Ah non, ouais. Ma femme, mais hein, ça se voit qu'il te met le doigt dans le cul. Non, j'ai pas de femme parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Et pourquoi tu m'appelles? Tu veux quoi, là? Bah, je voulais juste savoir si vous arriviez à faire jouer à votre femme par la pénétration, mais comme vous avez dit que oui, on peut se souhaiter une bonne soirée. Ouais, normal. Je t'ai dit, je connais que des putes. Ma femme, je la connais pas encore, tu vois. C'est parce que je suis au Colombien maintenant, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est parce que je suis au Marrakech, tu vois. Ça, c'est ouvert avec l'avenir. Mais aujourd'hui, où tu en donnes avec des putes. D'accord, eh ben parfait. Eh ben, on souhaite une bonne nuit, monsieur. Bah, pas de problème. Eh ben voilà. Si tu veux pas que je mets ma bête à la marocaine de l'intérieur là, tu m'appelles. D'accord. Bah, pas de problème, monsieur, on fait comme ça. Allez, bisous. Okay. Là, c'est la 5 étoiles là. Bien sûr. Allez, je vous embrasse fort, hein, monsieur. Vas-y, nous conduis, bonne soirée. Bah, ça veut dire, va te faire reculer. D'accord. À la prochaine. Au revoir. Ok. C'est un mec qui siffle la pute. Bah, va te faire reculer. C'est bien de se faire reculer, tu vois. Bien sûr. Voilà, j'aime bien. C'est bien. Voilà. Là, écoute, je vais dire un truc. Oui. Tu vois les femmes là, qui prennent pour des stars de Monaco là. Ouais. Ils ont la chatte qui pue. Ouais. Tu même ta femme, elle a la chatte qui pue. Ah oui, d'accord. Très bien. Ah oui, s'il te plaît. Eh bah, ben parfait, monsieur. Eh bah, ben très bien, monsieur. Allez, une bonne soirée. Allez, partout. Au revoir. Au revoir, partout. Allez, bisous, hein. À bientôt. Non, monsieur, il n'y a pas de bisous. Très bien. D'accord. Allez, au revoir. Mais tellement sympathique. Oh, trop d'amour. On a presque envie encore de le rappeler, donc. Hein, tellement il est sympathique. Bon, oui, mais il a répondu. Ouais, c'est ça. Après, il a répondu, on gardera son numéro et puis. Je ne doute pas qu'on l'appelle encore une fois, un petit 4. Ah, bah bien sûr. Et ben voilà, très bien, on fera ça à ce moment-là alors, pas de problème. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, n'hésitez pas, hein, sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On va récupérer Mehdi dans un instant, il y aura Atem aussi par rapport au Manille, justement. Tout ça, c'est après le son de 21 Pilots qu'on écoute tout de suite sur Energy. Make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathen. people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not taking just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Bonne soirée sur Énergie, bonne nuit même, 2h40. On va s'écouter Sound of Legend dans un instant et le polo show va débarquer. Tu te laisses faire, tu fais rien. Lève-toi et bats-toi. C'est dur. C'est dur, mais continue. Tu entends. Lève-toi et bats-toi. Tu t'énerves. Hein, tu t'énerves. Allez, lâche pas. Continue, t'es sur la bonne voie. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont sur Énergie. Allez, bah oui, on est là sur Énergie justement avec Jeanne-François qui dit du gros, du lourd, du gras, Toff quoi. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce résumé-là. C'est moi, je suis là. Ah ouais, non mais c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai. Salut, moi je mets une mèche de cheveux soit dans mes narines, mes oreilles, mes yeux ou sous les ongles pour m'endormir ou quand je m'ennuie. Ah ouais. C'est effectivement une manie assez particulière, faut dire les choses. Il y a Atem qui est avec nous maintenant, 27 ans, à Saint-Quentin. Salut Atem, comment ça va? Une soirée Atem. Ah. Allô, oui, bonsoir. Comment ça va au PSG? Tu joues souvent alors? Bah, pas, tu pas très pas bien. Beaucoup, en ce moment, ouais. C'est un peu la crise. Là, Atem, ça se passe mal pour toi. Je suis dans 38 là, je suis pas au PSG. T'aurais mieux fait de rester à Nice. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Bon alors Atem, vas-y raconte un petit peu. Qu'est-ce que... Ah oui, rapport aux manies. Ouais, voilà, par rapport aux manies, en fait. Moi, en fait, j'ai ma copine, en fait. Elle a une manie. Ouais. C'est toujours me se mettre ta main sur, en fait, sur mon pénis. Mais en fait, tu sais, dans, sur le trou, là, où tu fais pipi. Ah, le, l'urètre. Voilà. Oh. Et ben, en fait, elle met toujours sa main dedans. Et en fait, ça me fait mal, des fois, mais ça me fait mal. Et en fait, à chaque fois qu'elle me dit j'arrête, et en fait, elle continue à chaque fois. Et à chaque fois, elle fait la même chose. Ah, putain, je pourrais pas, ça. Ouais. Elle peut pas mettre dedans, mais c'est impossible. Elle peut pas mettre sa main dedans. Non, pas dedans, en fait. Mais juste en fait, elle l'effleure en fait pour essayer fait. De l'ouvrir en fait. Mais en fait, elle l'effleure avec quoi en fait? Avec les en doigts fait, avec, avec son doigt, avec son doigt. Mais il y a un moment donné, tu te trimbales pas la bite à l'air chez toi aussi? Peut-être. Non, non, non. En fait, bah à chaque fois qu'on regarde la télé, eh ben, à chaque fois, elle a un truc, c'est mettre sa main dedans et d'y toucher en fait, d'y fleurer avec son doigt. C'est même pas ta meuf, elle me dit c'est que une copine. C'est une texture. Ouais, voilà, ouais. C'est une copine, texture, ouais, mais. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Texture, elle me dit que c'est une texture, c'est la meilleure texture qu'elle a sur le corps, qu'on a sur le corps. Ah bon? Bah si elle le dit, ma foi. Elle est chelou, elle aussi. Ouais, elle est un peu chelou, ouais. Mais elle est un peu chelou, ouais. C'est vraiment j'espère bizarre. J'espère qu'elle vous entend pas. Hein. Bah attends, elle est chelou après, hein. Écoute, je te dis, moi. C'est vrai, attends, mais quel est le kiff d'absolument vouloir mettre ton doigt sur le gland d'un mec? Et en plus, là où il y a l'urètre, t'imagines? Ouais, je sais pas, c'est son kiff à elle. Ouais, là-bas, je me doute bien qu'elle doit avoir un kiff particulier, hein, c'est sûr. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est quoi le bruit derrière, Atem? Là, t'as la radio à fond de balle ou c'est quoi l'histoire? Non, j'avais la radio, mais j'ai... Ah, tu l'as coupé. D'accord, ok, très bien. Ouais, bon, voilà. Ok, ok. Et quoi, ça te fait mal? Ça te fait une sensation bizarre, désagréable? Ouais, chaque fois, en fait, ça me pique, ça me fait une sensation bizarre, mais après, j'arrête tout de suite, comme j'ai dit, d'enlever sa main directement. Elle le fait à chaque fois. Et à chaque fois, elle le fait, elle s'arrête pas. Après, je sais pas comment, voilà, en fait, à chaque fois, je lui dis non, d'y arrêter, et en fait, elle l'arrête pas, quoi. C'est putain, moi, je pourrais pas, hein. Non, mais enfin, c'est bizarre. Après, quoi, à ma place, t'offres, toi. Qu'est-ce qu'il ferait, Tof? J'en sais rien. Bah, moi, je lui dirais que ça me fait mal, c'est tout. À un moment, si ça te fait. Ouais, mais c'est le contraire. Ou alors, il dirait, bah, vas-y, tu veux me toucher le gland, bah, fais avec ta langue, salope. Oui, c'est ça que tu dirais. C'est ça que tu dirais? Ah, non. Oui, voilà, avec la langue, avec plaisir. Bah, voilà. Non, écoute, après, c'est particulier. Écoute, non, mais ce qui est bizarre, c'est que vous. En fait, c'est un peu bizarre. C'est une relation, c'est une copine à toi, et elle touche la bite comme ça, mec. C'est un peu limite. En fait, c'est comme si. En fait, c'est comme si. Non, c'est sa meuf, c'est sa meuf. Non, il a dit c'est. Ah, c'est ta meuf. C'est sa copine. Ouais, sa petite copine. Ouais, mais tu lui dis. Mais je sais pas, moi je le ferai pas. T'as quoi comme Mani ou Amina? Moi ça me touche le cul. C'est une blague ou quoi? Non, mais je rêve. Et toi, Amina, tu l'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça, non. Mais je joue jamais à Chabit. Non, désolé. Mais non, il y a un truc que je fais qui est un peu dégueulasse, c'est que dès que j'ai un bouton de moustique ou quoi, ou n'importe quoi, je vais me gratter au sang et j'arrache les croûtes, en fait. C'est ignoble. Mais j'avoue, c'est hein. Mais bon, c'est quand même dégueulasse, quoi. Non, mais moi, j'ai des cicatrices sur tous les bras et toutes les jambes. Et en fait, chaque cicatrice. Toutes les jambes, putain. Non, il y en a deux, ça va. Ouais. Mais ça fait des blessures de guerre, quoi. Tu vois, chaque moustique a son histoire sur mon corps. Et tu te souviens de toutes les piqûres de moustiques? Ben non. Ah, mais... je suis là, c'est Roger, il m'a piqué quand j'étais là-bas. Non, mais c'est dégueulasse. Il est gentil, il est bon, voilà. Non, mais je me dégoûte quand je fais ça, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Mais toi, t'as vraiment un problème. Hein. Oui, je sais. Enfin, c'est bien, le principal, c'est de le savoir, hein, oui, je veux oui. dire. Hein. Merci. Ben, je t'en prie, écoute, avec plaisir. Moi, si je peux rendre service, c'est toujours avec plaisir. Ok, très bien. Eh ben, dis donc, on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé, je te le dis. Bon, ben, très bien. Eh ben, merci à Thème, du coup, hein. Merci d'avoir appelé. Pas de soucis, ça merci marche, pour la petite histoire. Tu nous rappelles quand tu veux. Et bon courage. Une petite dédicace aussi, une petite dédicace à ma copine, du coup, Sarah. D'accord, message voilà, passé. Voilà, de Vénissieux, voilà. Bah écoute. Mais mets-toi un cash au pire, tu sais. Ah ouais. Oui, un petit pompon. Un truc ouais. de Kinder Surprise. En laine. Tu tricotes ça en laine et tu te le mets sur le bit, sur le bit. Un chapeau. Ah non, c'est désagréable. Non. Ah oui, bah oui. C'est ouais, alors, oui, mais enfin bon, alors monsieur, hein, bon, c'est Princesse Zizi, faut pas le toucher. Oui, voilà, à un moment, faut pas déconner quand même. Bon, merci à Thème d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Ok, pas de soucis. Allez, salut à toi. Allez, ciao, à bientôt. Ciao à toi, Adem. Jeanne Françoise qui dit, mais en fait, à chaque fois, ça doit être compliqué, en fait, de faire ça à chaque fois, en fait. C'est vraiment fou. Oh, ça va. Mais cela dit, ça peut faire partie d'une manie, hein. Ouais. Le fait d'avoir des tocs de langage. De mais se ça, dire le même mot, les genre gros. Par exemple, le jeu du gros, ça vient de ça. En fait, on avait eu un auditeur un jour qui avait appelé en disant gros, ouais, ça va, gros. Et en fait, on se dit, oh, tiens, on va faire le jeu du gros. Ah ouais. Ouais, ou alors, t'as vu. Ouais, t'as vu, donc j'ai fait ça, t'as vu, et voilà, ça vient de là en fait, ces jeux à la con. Tu veux dire quoi? T'as dit que t'avais une manie juste avant le son de 21 Pilots. Ouais, en fait, j'aime bien cracher en fait par terre. Ouais, voilà. C'est une blague. Sérieux, je fais ça non, des fois. Genre, tu craches chez toi et tout? Bah, chez moi, mais. Chez les gens? Non, chez lui, il a un gros crachoir, c'est comme dans les salons. Je vais chez Tof, je crache un peu partout. Ah ouais mais c'est normal, c'est chez Tof, à la limite, Non, mais c'est logique, tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, quoi. C'est particulier, mais c'est pas grave. Bon, on va s'écouter le son de Sound of Legend. Et juste après, le Polo Show. Si vous voulez participer, bah 01 40 71 5000. Et puis, si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 007 1. On est en direct. Alors, on profite. Vous nous appelez, vous passez en direct à l'antenne. Ça marche aussi par SMS. Vous envoyez Mickaël et votre message au 6 11 12. Allez, Sound of Legend, je l'ai promis. Et c'est une reprise de FL65 dans la fin des années 90. C'est Blue. On est sur Energy, 3h-10 du mat. On va faire le hors-sup aussi dans quelques minutes. Avant ça, c'est le polo show, c'est le défouloir. C'est le 01 40 71 5000 si vous voulez passer en direct. On va essayer. Ça va aller, t'inquiète. À l'aise. Ah, parce qu'au standard, ça discute de billets. Mais c'est à l'aise. 01 40 71 5000. Quoi ? Payer les 1850 balles de ces sandwichs au pâté, là, peut-être ? Hein ? C'est Ricard à la con et ses bières ? En plus, il nous bouche les chiottes, cet enculé, là, avec ses chaussures en caviar, il se prend pour une star. Mais rentre chez toi ! Chien de la casse ! 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le polo show, Michel à l'area ? Ouais, je suis là, ouais, bah venez, hein, c'est hashtag MichMich sur le Twitter d'émission. Christophe est le tocard qui va pas faire long feu parce que je vais le virer dans pas longtemps, je vais chercher quelqu'un d'autre pour faire le standard, donc voilà, c'est, si vous connaissez quelqu'un de bon, n'hésitez pas parce que ce standard est vide, voilà, il y a 4 personnes et c'est pas normal. J'ai décidé de le renvoyer bientôt. MichMich, t'as rien à dire ? Bah t'as du pouvoir pour envoyer les gens, toi. Je t'emmerde, ouais, j'ai du pouvoir. Toi, t'as de la chance d'être un cotorep, d'avoir des problèmes de santé mentale, et on a des aides. C'est pour ça que t'es là. Bah, pauvre con, hein, on a le même problème. Hein. Ah non, je crois pas, non. Antoine, on t'écoute, vas-y, mine-toi. Ouais, non, mais attends, j'ai un coup de gueule. Ah, oh là là, si Antoine a un coup de gueule. Oui, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Antoine ? J'ai acheté mon téléphone cet après-midi. Oui. Enfin, je l'ai précommandé parce que Apple, ils sont pas foutus de faire assez de téléphones. Je dois attendre le 20 octobre. Antoine, tu me racontes ta vie, là ? Ah oui, mais bon... C'est quoi ton problème ? J'ai pas de téléphone jusqu'au 20 octobre. Et bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est un peu embêtant, quoi. Attends, mais t'avais pas dit hier que t'avais un iPhone 7, le nouveau, hier, quand je t'ai dit que le son était bizarre ? Et donc, tu téléphones avec quoi, là ? Mais... Là, j'ai mon 6S Plus. Non, mais Antoine, c'est quoi ces problèmes à deux balles, là ? Ouais, c'est des problèmes de riches, quoi. Bon, tu veux une blague ? Bah oui, je m'en fous de tes histoires de téléphone. Mon fion ! Eric de Montfion. Oui, allô. Ouais, c'est l'autre. Je vais faire le standard. Pourquoi tu veux faire le standard ? Non, ça ira, j'ai pas besoin de toi. Non. Merde. Ouais, merde, ouais, t'as raison. Johan ou Johan ? Ouais, Polo. Qu'est-ce que tu veux ? Une petite dédicace hein, pour Mike Jack, Dylan Garcin, Eddie Belloufi. Voilà. Johan, la prochaine fois que t'appelles, débranche ta radio, débranche tout, quoi. Parce qu'on t'entend pas. Ouais, bah continue à parler dans le vide. Le Médocain, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, salut Polo. Ouais, je t'écoute. Bah, je t'appelais pour les manies là, parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même plein d'auditeurs qui n'ont toujours pas compris, qui ont la sale manie de laisser leur radio allumée derrière quand ils t'appellent. Ouais, bien vu. C'est pas une manie, voilà. C'est pas une manie, c'est une imbécilité. Ouais, bah voilà, c'est que des connards, ils nous cassent les oreilles. Voilà, donc c'est tous ceux qui laissent leur radio, allez vous faire enculer. Eh, le Médocain, voilà. T'es toujours avec les routiers de la night ? Toujours. Comment ça se fait que ça réagit plus là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes, y a plus de routiers là. Ah non, mais je sais pas, il y a tout le monde qui s'endort là. Mais c'est l'hiver qui arrive, on commence déjà à préparer. Ah, il y a le chauffage dans la cabine, ça endort, Polo. Bah, attends, mec, et alors ça vous empêche d'appeler, c'est ça ? Bah non, il regarde, un temps moi. Où vous pavaniez là, ouais, nous, là, il y a plus personne. Le Médocain, tu t'imagines que de tous, le seul qui a le courage et qui survient, c'est Eric de Montfion. Bah, je sais, mais c'est pour ça que j'essaie d'appeler pour essayer de les motiver, mais bon, y a personne, j'y peux rien, moi, mon Polo. Ouais. Voilà. Mais je suis là, je t'inquiète, je reste là, j'appellerai demain si tu veux. Ok, à demain, le Médocain, tu reviens quand tu veux. La taupe, on t'écoute. Ouais, Polo, c'est ce que c'est, le point commun va dire. T'as quel âge, la taupe ? 13 ans. Bon, oh là là, qu'est-ce que tu veux ? C'est ce que c'est, le point commun, tu m'as dit, t'es un ascenseur. Bah, déjà, t'as de la bite, t'en as pas à ton âge, mais bon. Bah si. Bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ton problème avec ta bite et ton ascenseur ? Bah ça monte et ça descend à la chatte d'une pute. Mais la taupe ! Quoi ? T'as jamais vu une fille nue ? Quoi ? Tu sais même pas ce que c'est qu'une prostituée ? Bah si. Mais non, mais t'es là avec ton petit zizi, tu t'imagines des choses, mais... Mais non, je t'assure que non. Antoine, fais-nous une vanne, là. Doucement, Polo, c'est un enfant. Quel est le point commun entre l'enfer et le Viagra ? Je sais pas. Aucun dans les deux sens, ça t'en la bite. Dali, on y va, 01 40 71 5000. Oui, bonsoir. Polo, je pense. Je t'appelle encore une fois concernant le 06. Dali ? Oui ? Je te l'ai dit la dernière fois, on ne t'entend pas. D'accord, ok, ça marche. Enlève le kit Malibre ou je sais pas ce que tu fais ou tu parles avec je sais pas avec quoi, mais. Bon non, j'ai acheté le téléphone d'Antoine, donc c'est pour ça. Bon, vas-y Dali, on y va. Qu'est-ce qu'il fait ? Dali ? Oui ! Oh il a mis l'eau. Oh là là, mais quel gogol celui-là, on t'entend pas ! Alors ? Le 06 de Maryse, dispo ou non ? Y'a pas, non, va t'acheter un téléphone. La pauvre Maryse mérite d'avoir quelqu'un avec un téléphone de digne de ce nom. La taupe, on y va, 01 40 71 5000. La taupe ! Au générique. Oui. Quoi ? Au générique. Ok, reste là, Quentin, on y va, 01 40 71 5000. Ouais, c'était pour vous dire que ça faisait depuis longtemps que j'avais pas joué. Je voudrais bien rejouer un petit peu et puis gagner un petit iPhone quand même. Tu veux jouer, quoi ? Tu crois quoi ? C'est la fête foraine ici ? Tu vois qu'on a des pistolets là, des petits fusils avec des petits plombs et on va tirer sur des petites cibles. Ah bah. Et tu vas gagner un cochon. Non, mais pas du tout. Ouais. Et bah rappelle bah, une autre fois que tu m'emmerdes. Eric de Montfion, on y va, 01 40 71 5000. Ouais, il paraît que Marie-Angèle a fait des vêtements assez grands pour faire des sous-vêtements sympas. Quelqu'un veut me tuyauter. Mais nous, mais avec Toff, on va acheter de la bâche de parachute ou de la bâche pour mais bateau. Non, mais on va te faire une gaine et un grand slip. Oh, tu peux pas me filer un tuyau là-dessus ? Un tuyau quoi de tuyau. Bah, il paraît. Mais Eric, qu'est-ce que tu me racontes, Eric ? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec le numéro de je sais pas qui, Marianne James, qui fait des vêtements grande taille ? Qu'est-ce que tu me prends la tête ? Je demande pas son numéro, je te demande si ça vaut le coup, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je mets des costumes Hugo Boss et Kenzo. Je te demande si quelqu'un peut se renseigner, trou de balle. Mais me demande pas à moi, trou de balle, c'est toi le trou de balle. Demande aux gens. Et bah demande-leur, mon fion. Ben c'est ce que je viens de faire. Oh là là, mais quelle lourdeur. Jonathan, on y va, 01 40 71 5000. Ouais, les gamins, ils peuvent pas aller se coucher, là. C'est la place des routiers en frigo, là. Bah, on dirait pas, parce que vous êtes pas là. Et le seul mec qui est là, c'est mon fion, hein, si on peut appeler ça un mec. Bah non, mais là, on tape que des gamins. On veut que des mecs en frigo. Évite de dire ce genre de truc. Voilà, on écoute des gars, il y a des enfants, quoi. Là. Ouais, bah justement, ici, c'est la place des routiers. Et bah oui, frigo. Mais qui viennent. Je les ai pas empêchés de venir. Rémi, on y va, 01 40 71 5000. Ouais, bah on est là, les routiers, hein. Vive les frigos. Eh bah bravo, Julius. Ouais, chez les frigos. Dédicace à Musto et Jackie. Et puis les bâchés, bande de pull à pisse. Parfait, Julius, tu reviens quand tu veux. Émiliez, il suffit que tu les chauffes un peu, ils y arrivent. Hein. Émiliez. Ouais, salut. Tu t'appelles comment? Émilia. Tu t'appelles Émilia? Ouais, Emilien, je suis sur la route là, les routiers de la night, on est là. Tu t'appelles Emilien ? Il n'y a pas que. Emilien, ouais, comme avec, taxi. Ouais, avec un N. Est-ce qu'il y a un mongol ? Enfin, je sais qui c'est. Voilà. Est-ce qu'il peut apprendre à écrire Emilien avec un N et pas avec un Z ? Parce qu'en fait, quand je dis Emiliez ou Emilier, il en a rien à foutre, dégage la taupe. Bah, générique, hein. Ok, Antoine, on y va. À quoi reconnaît-on qu'un policier vient de se faire sous 2000 gangs ? Bon. Aux mouches qui tournent autour de sa matraque. Antoine. Oui. Répète après moi. Je m'appelle Antoine et j'assume les propos sur la police que je viens de tenir. Pas du tout. C'est toi qui m'as dit de le lire. Quel menteur. Il a été bon. Quel connard celui-là. Sam le Niçois, t'écoutes. Sam le Niçois. Ça, c'est les mecs du Sud. C'est très lent à démarrer. Ouais. Ouais, c'est pour faire une spéciale dédicace aux routiers de la Life. Eh bah parfait. Et les routes, les bâchés, les frigos vous emmerdent. C'est toujours mieux, casse les couilles. Message est passé. Ludo, on t'écoute. Ouais, dédicace à tous les frigos et tous ceux qui roulent en bas et vous faire enculer. Message est passé. Antoine. Qui a inventé la tectonique ? Je sais pas. Votre François. Ouais, mais là, faut avoir quelques notions de faut avoir de la culture... musical de Claude François. Je sais que t'en as. Ouais, je te remercie. Ouais, mais c'est pas, y a que pas, je suis pas tout seul là. Eric de Montfion. Oh, les frigos, ils ont tous la bite congelée, ils peuvent plus s'en servir. Ah bon ? Ouais. Tu vas dormir à quelle heure là, Eric ? Comment ? Tu vas aller te coucher à quelle heure ? Ouais, tu veux savoir ma vie, pourquoi ? Mais j'ai une question ! Oh, putain, je veux surtout pas venir chez toi. Hein ? Tu veux chanter vite ? Non, mais tu sais quoi, on va te faire un petit cadeau. Ton anniversaire, Mickaël, ouais. C'est Mickaël qui a eu un peu cette idée, je trouve, c'est une idée géniale. On va t'envoyer Seba, ouais. Du standard. D'accord. Tu vas adorer. Il est bien fourni. Ah ben oui, il est musclé et tout. Hein. Il est bien monté. Ah ça, je sais pas, j'ai jamais vu, je sais pas s'il est monté. Bon ben, tu regardes, tu me demandes. D'accord, ok. Ouais. Nathalie, on t'écoute. Oui, bonjour. Ouais. Allô ? Vous m'entendez ? C'est la première fois que je passe à la radio et je tenais à vous dire que je vous félicite. Vous êtes extra, ne changez rien. Et j'embrasse tous les routiers. Je suis dans une ancienne routière. Ouais. Maintenant, je suis en maîtrise. Je livre, on va dire, de la viennoiserie pour les grands hôtels de Paris. Donc voilà. Et je tenais à vous faire un petit bonjour parce que franchement, sans vous, le matin, c'est assez triste. Ouais, en fait, nous, c'est voilà. La nuit encore. Bah, ça dépend à quelle heure vous lève. C'est ça, ouais. Bah écoute, je commence à... Je me lève à 2h, hein, le temps de prendre mon déjeuner, le temps de prendre ma douche, mais je commence à 3h. Et là, vois-tu, je suis légèrement en retard. Mais c'est pas bien grave, voilà. Bon, donc, merci. Et puis j'espère que vous repassez un jour à l'antenne. Voilà, et puis j'embrasse tout le monde. Ok, et bisous. Et puis bah, bon courage pour le reste. On bisous avait... à tous. Super, au revoir Nathalie, Nikos. Ouais, Antoine, moi je t'encule, toi, si j'ai la... Dégage, laisse Antoine tranquille. Romano. Ouais, c'est moi, Romano, du 8-0. Je voulais dire à tous les petits routiers, les frigos, là, les bâchés, là. Bande de feignants, ouais. Bande de feignants, vous dormez, vous êtes toujours en train de dormir. Ouais, nous, on bétaille, mon pote, on est des fous, nous. On regarde ça tout, ça roule, mon pote. Allez, dédicace à tout le monde, Bilou. Message est passé. Jojo, on t'écoute, 0140-71-5000. Jojo. Ouais, c'est ça, grosse pute, va. Salope. Mais arrête de l'insulter, mon gueule, va. Calme-toi, Jojo. Ah non, je suis... Non, celle-là, elle faisait une pute, c'était pas une routière. Oh, celle-là. Jojo, ça se fait pas, laisse-la tranquille. Ludo, on y va, 0140-71-5000. Ouais. Toi, ouais. Ouais. Attends, je suis sur le rond-point. Ouais, bah reste de zi. Antoine, on y va. Quel est le lieu le plus profond du monde? Je sais pas. Zaya. La quoi? Zaya. Zaya. Yaya. Zaya. Ah, d'accord, ok. Antoine? Oui. T'es fatigué un peu, mon pote. Pierre? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aurais dire à Eric de Monfion, là, qui ferme sa gueule. Les frigos, on n'a pas la bisgueulée, on est des hommes, on tape pas les pédés, nous. Oh, faut pas dire ça, c'est homophobe, c'est pas bien. Oui, ben, on se tape pas les homos, alors, si tu préfères. Voilà. Allez, merci, bah... Pierre. Reviens quand tu pourras. Thomas? Ouais, salut les gars, c'est tranche de jambon, ça va les mecs? Alors, ils sont où tous les gars, là? Jackie et tout, y a plus personne, tu vois? Ben non. Je vais prendre le relais, je crois, on va dire des conneries. C'est pour faire un coucou. Et puis voilà, il dit qu'il y a une bonne femme, c'est bien pour parler. C'est toujours la même chose, raconte ta vie. Voilà, je t'embrasse. Ciao, Bolo. Ciao. Comment il s'appelle? Momo. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu veux? Pour dire à Romano, là, qu'il a aidé se faire enculer par le bétail qui transporte. Ben voilà, les gars. Et le niveau, c'est meilleur. Voilà, ça c'est. Sur la droite. Merci, ça c'est du polo chaud. Carl, on y va, 0140-71-5000. Ouais, je viens prêter un petit peu main forte là au routier de la night là, les gars. Énergie, vous êtes au top, les gars. J'ai eu peur. Au top. Ok, bah merci, Karl. La taupe, le retour. Bah, j'attends pour générique. Mais... Ouais, bah alors attends, Antoine. Pourquoi l'homme demande-t-il sa main à une femme? Je sais pas. S'il a marre d'utiliser. Quand il en a marre d'utiliser la sienne. Rémi, on y va. 0140-71-5000. Oui, salut, ben moi c'est pour faire une dédicace à tous les routiers de la night, que ce soit les frigos ou les bâchés ou n'importe quoi. Okay. On fait tous le même boulot, on est tous les passionnés de la route. Bah parfait, merci, c'est beau, beau message de paix. Monfion, on y va. Je comprends pas, on a l'impression que t'es sur une autre planète. Il est crypté. Ah ouais, ça y est, le CSA s'est mis à crypter Monfion. Monfion, t'es trop vulgaire. Mon fion, on t'entend pas. Voilà, on s'est rendu compte, ça y est, c'est un ovni. Un extraterrestre. On t'entend pas, mon fion. Ouais, je m'en... Qu'est-ce que t'as? Tu l'as mis où, le téléphone? Encore, Eric? Ah bah super, bravo. La taupe. Et Polo. Quoi? Il y a le générique. Ouais. Oh là là, Emilien, conclusion, là, parce que la taupe, là, il est pressé, là. Ouais, salut, c'est pour faire une dédicace au bétailleux, là, qui me laisse passer. Moi, je suis en VL, il se met sur la deuxième voie, sur la 26, qui me laisse passer. Ça sera mieux, c'est mon dédicace à tous les chauffeurs, la night, tout va bien. Message est passé, Monfion, conclusion, on se barre. Ouais, mais ils ont couché. Bonne nuit, Antoine, conclusion, on se barre. Comment reconnaît-on un Lillois dans une partouze? Je sais pas. C'est le seul qui baise avec sa mère. C'est nul. Tu reviens demain, Antoine. La taupe, on va chanter, là, prépare-toi. 0140-71-5000, on y va. Ferme ta gueule de merde. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Sauf que si c'est toi, l'enculé. C'est ça, vas-y. Je ne connais plus la suite. Écoute, ferme ta gueule de merde. casse-toi l'enculé. Tu ton nom que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir. J'ai toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? T'entends rien. Comment ça t'entends rien? Je ne sais rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon. Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Toi l'enculé, t'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà. Suce ma bite. Exactement. Bon, salut à toi la taupe, à demain j'imagine hein. Il n'entend plus rien. Ah bah il est parti dormir, c'est pas grave. Bon, 3h05, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie, Charlie Pousse arrive dans un instant, il y aura souffle. Et puis on va se faire Pitbull et Florida maintenant, 3h05 du mat au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël. Give me the green.